l'épisode d'aujourd'hui à Assemblage requis. Dominique Nodemavungu ira vers la droite sur la map monde dans Voix d'Afrique. Et Jimmy Thibodeau dira à la gauche. Qu'est-ce qu'elle a de travers dans Gauche RBV? Et aussi Marc-Olivier Dumas et Sparé Filoché. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 27 mars 2018. On est à 31 jours de la fin de l'année scolaire. Ouh, exactement un mois. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, là où ce matin, ça sent absolument rien. Non, absolument rien. C'est plaisant. Faut merci. Le dire, hein. Gardons ça comme ça, s'il vous plaît, chère étudiante. Il y a du soleil le matin, oui. En plus. Oh, clavier belle. C'est vraiment le fun. En temps normal, le lundi soir, j'ai des réunions parfois. Ouais. Et l'hiver, c'est plate de sortir de là à 7h15. Il fait noir. Ouais. Là, hier, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Faisait encore soleil! Ah, moi, je pars le lundi soir à 10h30. J'ai manqué ma bus, j'ai attendu l'autre pendant 45 minutes. C'est vraiment le fun, vraiment le fun. Pendant 45 minutes, t'as attendu un autobus? Ouais, c'est ça. Ben, marcher et attendu l'autobus. OK. Bref, hey, avant l'émission, je faisais des tests. Je sais pas si oui. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps, certains diraient, que je travaille ici. Et j'ai toujours remarqué le bouton pitch et je me suis toujours demandé comment il fonctionnait. Tu sais, je savais que ça existait, je savais ce que ça faisait, mais je savais pas comment ça fonctionnait. Fait que, tu sais, je l'ai essayé. Tu sais, mettons, en partant comme ça, mettons. Là, je peux faire. Attention, si je fais pitch. Vous êtes assez fou. Oh. Ah ouais, ou plus vite. 89.1. Ouais. Ah ouais. C'est pas meilleur avec la vitesse changée. Donc, aujourd'hui, l'émission, Tania. Oui. Aujourd'hui. On a plusieurs invités, plusieurs collaborateurs. À 8h, Marc-Olivier Dumas va être là pour sa chronique sport et filoché pour parler un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis la dernière semaine en sport. J'espère qu'on va aborder le sujet du soccer. J'espère. Avec les très insultants joueurs de l'équipe de Laval. Ouais. Mm-hmm. Ah, messieurs de Laval. Ah, si vous n'avez pas vu les photos, hein, il y a eu des insultes qui se sont lancées d'un bord et de l'autre. Mais j'ai appris, par contre, un petit facteur intéressant du côté du public. Et qu'est-ce qui a fait, comment dire, peut-être une fuse au gars de Laval. Oui, apparemment qu'il y aurait certains spectateurs partisans de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui auraient insulté le père décédé d'un des joueurs feu de Laval. Feu le père de gars de Laval. Tu sais, c'est peut-être plus compréhensible dans ce cas-là de, tu sais, les insultes que l'autre a fait, mais quand même. Mais quand même, tu représentes une institution éducative. Ça. C'est ça. En tout cas, on en parlera avec lui tantôt à 8h pour Marc-Olivier Dumas et Sport et Filoché. Ensuite, à 8h30, Dominique Nodemavungu et Voix d'Afrique, lui qui nous parle des nouvelles du continent africain. J'ai entendu dire qu'il a un invité spécial aujourd'hui. Ouh, donc, on surveille ça. 8h30. Ensuite, à 9h, Jimmy Thibodeau et Gauchère Bévue, lui qui est de la gauche et prend un sujet de la gauche, l'explore un petit peu et dit ce qui marche pas ce bord-là. Ça marche pas. Ta chronique s'en vient aussi deux fois. Tania, je vais entertainer de quoi tu nous parles aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'équité salariale, mesdames, messieurs. Hey, cool. Donc, c'est-à-dire homme-femme. On va essayer un petit peu, peut-être, de démystifier la raison du pourquoi on n'a pas encore cette équité salariale-là du côté des femmes et des hommes. Mmh. Et on va aussi discuter impôts parce qu'on est encore là-dedans. Ben oui, vous allez voir, ça devrait pas être trop, trop souffrant ce matin. Bon, tant mieux. Je suis pas encore allé porter les miennes. Hein? Moi non plus. Non. Ben, les choses qu'on n'a pas encore fait. Hein. Oui, c'est l'appartement. Pas le temps. Autre chose, c'est ça. Ouais. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui, jusqu'à 10h. N'est-ce pas fascinant, ça? Alors, on va commencer avec son foutu palmarès dans quelques instants. T'as parlé d'impôts, c'est drôle que tu parles de ça. Pour vrai, on dirait que, tu sais, parce qu'on se parle pas vraiment de l'émission en tant que telle. Non, c'est ça, surtout pas le soir. Non, c'est ça, et surtout parce que, je veux dire, on sait jamais trop. Est-ce qu'un chroniqueur va se présenter ou exactement. Pas? Exactement. Si on se parle du contenu, ça changerait de toute façon. Mathieu et moi, on s'écrit par rapport à l'émission le soir si quelqu'un annule. Si on sait déjà qu'il annule. C'est ça, exactement. C'est ça. Sinon, en temps normal. On se fait des surprises. Ouais, le moins souvent. Ouais. Ça, c'est le seul temps qu'on a pour pas parler de job. C'est ça, mettons que la job, tu sais, hein? C'est ça. C'est ça. C'est ça, on se comprend. Exactement. Voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, tantôt, on va parler de carte de crédit. Oui. Dans son foutu palmarès. Ah, un sujet qui est si plaisant. Eh oui, toi. Remboursement aussi. Mm-hmm. Mais avant ça, c'est un peu comme notre argent, c'est facile d'y mettre le feu. Voici. Hini. Et feu de paille. Assemblage requis. avec feu de paille. Ashianian, pour ceux qui se le demandent. C'est bizarre comme nom. C'est bizarre. Toujours assemblage requis. Maintenant, c'est son foutu palmarès. C'est la chronique qu'on établit sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on parle de finances un petit peu. Oui. Et étant donné que t'en parles tantôt, toi aussi, c'est ben oui. une petite thématique. On parle de cartes de crédit. Je te posais pas la question à toi, mais okay. À notre public. J'ai comme peur. C'est ça. Est-ce que vous payez vos cartes de crédit dans les temps? Hein? Sache que maintenant, je le fais. Oui, bon, parfait. Il fait un temps où je ne le faisais pas. Ben justement, savais-tu que ce que tu as fait par le passé comme gaffe pour avoir des répercussions pendant très, très, très, très, très, très, très longtemps? Oui, je sais, je le vois. Là. Ouais, moi aussi, c'est dommage, hein, parce qu'on nous apprend pas ces choses-là, on le dit à chaque fois. Ben non. On nous apprend pas tout ce qu'il y a dans les petits caractères de nos cartes de crédit, et des fois, ça peut prendre jusqu'à peut-être 6 ans. Pour s'effacer notre dossier. Une minuscule gaffe, là, vraiment quelques dollars à peine, peut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de répercussions. Bref, il y a d'autres sortes de gaffes. On va commencer. En fait, le premier conseil s'adresse plus à un public américain, donc je vais faire les grandes lignes. On parlera pas de factures d'hôpital qu'on devrait pas mettre là-dessus, bon. Mais on parle quand même de trucs comme... des mandats postes, des trucs comme ça qu'on charge sur des cartes de crédit qui peuvent avoir apparemment un plus haut taux d'intérêt. Mais bon, c'est ça. Ça fait plus ou moins à nous. Par contre, ouvrir des cartes de crédit pour les rabais, c'est une chose qu'on ne devrait pas faire, en fait. Okay. Ces cartes de crédit-là ont un très, très haut taux d'intérêt. J'en ai déjà eu une de notre feu très regretté Target. Oui, Ouais, une carte de crédit à genre, ça peut être 25,24%, un truc comme ça, c'est énorme. Souvent, ça peut être le double d'une carte de crédit normale ou une carte de crédit qui est faite pour ceux, justement, qui ont de la difficulté à payer leur facture à chaque mois. Les cartes à taux d'intérêt réduit à genre 10%, c'est une énorme différence. Hein? Si vous payez seulement le minimum chaque mois, vous allez trouver que vous allez avoir de la difficulté à payer, hein, et ça va être vraiment cher. Un autre problème, c'est que... les gens oublient en fait les paiements quand c'est une carte de magasin parce que t'as pas accès à ton compte de banque dans ton compte de banque à ta carte normale. En tout cas, moi j'avais pas la carte Target dans mon compte de ma caisse de banque. Je ne crois pas. Oh wow, OK. Non, faut que tu le fasses à part sur le site internet de la carte. Ou en le considérant comme une facture en entrant, tu peux entrer. OK, c'est ça, tu peux OK. C'est que tu verras pas ton solde sur ton compte de caisse ou de banque, voilà. Bref, ça va faire que tu peux probablement trop dépenser. Si vous avez le choix, des fois, les magasins offrent une carte de débit ou une carte de crédit. Peut-être que la carte de débit serait une meilleure solution. Okay. Je me rappelle que Target faisait exactement ça. Target. Ensuite, ne pas avoir de carte de crédit, c'est une mauvaise chose. Ben oui, toi. Hey, ouais. Moi, là, dans la vie, je voulais pas de carte de crédit. Puis là, on m'a dit, ben non, mais si tu veux une voiture, si tu veux une maison, si tu veux voyager, ça te prend absolument une carte de crédit. Sauf que c'est sûr, tu vas t'endetter. Ah hey, ouais, c'est fait pour ça. Franchement. C'est un système que bien des pays ne connaissent pas. Les Français rient de nous, des Nord-Américains, pour ce genre de système-là. Ben oui. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Faut que tu te bâtisses un dossier de crédit. Bref, les milléniaux comme nous n'aiment pas tellement les cartes de crédit ou en tout cas espèrent pouvoir vivre sans. C'est pas mal ça, ce qu'on nous dit sur creditcards.com. Si t'as une carte de crédit et que tu la gères mal, ben, ça peut créer des gros problèmes et nous en sommes témoins tous les deux. Mais c'est ça, on devrait pas seulement avoir une carte de débit de toute façon, nous dit-on. Une carte de crédit, c'est la meilleure façon de se construire une historique de crédit, comme on a dit tantôt. Ne pas avoir de cette historique de crédit-là, ça va vous donner un mauvais score de crédit et les prêteurs ou les banques vont avoir la difficulté à savoir si tu es capable d'avoir une carte de crédit. Et du mauvais crédit, en fait, ça va vous donner de plus hauts taux d'intérêt, ce qui peut coûter vraiment très, très cher à travers le temps. Hein? Mm-hmm. Ensuite, une autre gaffe qu'on fait avec les cartes de crédit, des fois, c'est de ne jamais installer les paiements préautorisés ou automatiques. Je pense qu'il faut dire automatiques. OK. Parce que oublier un paiement, même de quelques jours, ça peut vous donner des taux d'intérêt ou des frais de 25 et plus dollars. Et ça peut être encore pire que ça. Si ton paiement est 30 jours en retard, c'est ce qui m'est arrivé une fois dans ma vie. Une fois. Ouais, récemment. Ouais. C'est que la compagnie de cartes de crédit va donner cette information-là au bureau de crédit. Ouais. Hein, et un bureau de crédit, un paiement à sauter peut enlever peut-être 100 points de votre superbe cote de crédit. Ça dépend à quel montant votre carte de crédit est, en passant. Oui, mais en tant que tel, moi, c'était une facture de quelque chose comme 200$. C'est pas grand-chose, je l'aurais payé si on j'avais déménagé entre-temps, donc j'ai pas reçu le petit papier. Ça m'apprendra de déménager, hein? Ouais. Et de ne pas faire renvoyer mon courrier. Et voilà. Sinon, de l'autre côté, on a dit bon que c'est une gaffe de ne pas installer des paiements automatiques. Ouais. C'est aussi une gaffe de les installer, mais d'après ça, juste oublier ça. Et de ne pas faire de suivi avec ton compte pour voir si tout est correct, s'il n'y a pas eu un ajout de montant quelconque. Moi, j'ai fait ça. Ouais. Je l'ai fait ajouter par ma banque et je me suis rendu compte le mois dernier. Donc, ça doit faire approximativement... Non, je ne vais pas le dire, là, mais peu importe. je me suis rendu compte qu'ils ne l'ont pas inscrit à mon dossier. Ils ne sont pas fiables. Non, c'est ça, exactement. Ça va tenir, peut-être? Ben oui, c'est sûr, ça me nuit. Là, ça fait 2 mois, je paye pas. Mais par contre, hier, t'as fait un paiement en double que t'avais déjà fait. Oui, mais pas pour ma carte de crédit. Pour autre chose. Oui. Mais tu sais, fait que la balance, mettons, des gaffes... Soit je donne trop, soit je donne pas assez. C'est parfait. C'est parfait. C'est comme en amour. Oh! Hey! OK, donc, installer les paiements préautorisés automatiques et les oublier complètement. Bon, ça peut être une bonne chose de faire des paiements automatiques. Bien sûr, on le sait. En tout cas, ceux qui le font sont vraiment beaucoup plus heureux et beaucoup moins stressés par rapport à leur finances. Ouais. Mais c'est une partie fondamentale de vérifier ses finances quand même. Et on dit, en fait, que c'est très critique de vérifier ça par rapport au vol d'identité. Ah, OK. Ouais. Donc, si tu ignores ton compte pendant plusieurs mois, tu pourrais oublier ou ne pas voir, en fait, qu'il y a eu un problème de peut-être de vol d'identité, de montant qui a été chargé, qui n'aurait pas dû. Et vous allez perdre de l'argent. Donc, faites attention à ça. Ensuite, la prochaine gaffe qu'on peut faire, c'est de pas trop connaître les termes, les règlements de ta carte de crédit. Tu sais, les petits caractères dans un petit dépliant en plusieurs pages, là, pliés sur lui-même, là, que t'es pas trop sûr par où commencer, là, quel côté, le premier côté, là, on sait pas trop. C'est plate à lire ces affaires-là. Ouais, vraiment. Ben oui, c'est sûr. Mais de nos jours, les lois ont fait que il y a des trucs qui sont écrits plus en évidence, un petit peu dans des cases avec des pourcentages, avec quand même un tableau à pouvoir vérifier. Donc, au moins lire ce tableau-là. Oui, ben oui, ça vous prend ça. C'est ça. Ensuite, sinon, c'est d'avoir tout le temps une balance d'un mois à l'autre. Tout le temps avoir un restant à payer sur ta carte de crédit. Mm-hmm. Parce qu'on essaie de la payer au complet quand on peut. Quand on peut. Quand on peut. Quand on est capable. Oui, exactement. Mais sinon, quand même, des fois, ça peut arriver de transporter ta fin de dette au mois suivant pour essayer de la payer plus tard. À l'année d'après. À l'année d'après. À une autre vie, comme on l'appelle. Oui, exactement. Bref, en tant qu'utilisateur des cartes de crédit, ta job, c'est finalement de payer la balance au complet chaque mois. C'est ça le but, en fait, de la carte de crédit. Ben, c'est ça le but d'une vie, c'est de payer puis jamais rien avoir en retour. C'est beau, hein? C'est beau vivre dans une utopie comme ça. Oui, exactement. Bref, les bureaux de crédit, ont tendance à voir un taux d'utilisation. S'ils voient un taux d'utilisation de moins de 30% de ton crédit disponible, c'est ce qu'ils aiment, en fait. C'est ce que tu devrais faire. Pour booster ton score dans le territoire de l'excellence, il faut pousser ton taux d'utilisation dans les un chiffre. Okay. Dans le fond, quand je dis que les bureaux de crédit aiment ça, c'est parce qu'ils aiment ça parce qu'ils font de l'argent sur ton dos. Ben oui, c'est ça. Tu comprends? En tout cas, bref. De vous nommer. Il faudrait être dans le moins de 10%. OK. OK. Pour le taux d'utilisation de ton crédit. Donc, si t'as un crédit de 1 000 $, ton 10%... Ouais, c'est ça. Ton 10%, c'est 100 $. OK. C'est ça. C'est facile pourtant. Ben oui. C'est ça. 1 100. Je sais. Sinon, le dernier... Il n'a pas l'air sûr à matin. je réfléchis en même temps. Et finalement, le dernier conseil, la dernière gaffe à ne pas faire, c'est d'enterrer ta tête dans le sable, hein, comme une autruche. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est que si tu fais des gaffes, hein, t'aimerais ça faire semblant que ta carte de crédit n'existe plus. Ouais. Hein? Mais il faut demander de l'aide immédiatement. Hein? La première, la pire chose, en fait, que la carte que la compagnie de carte de crédit peut faire, c'est de te dire non, c'est la pire chose, mais il y a des options. Donc, poser des questions, faire des plans de paiement. Demander un taux d'intérêt plus faible, comme on a déjà entendu plusieurs fois. Ouais. Toutes ces choses-là sont des choses à faire au lieu de simplement enterrer ta tête dans le sable. Voilà. Et si vous avez plus de questions par rapport au crédit, sachez qu'on a un nouveau chroniqueur financier qui s'en vient à partir de la semaine prochaine dans cette presque case horaire à 7h30 les jeudis. Ouais. C'est peut-être pour ça que ça m'a donné envie de parler d'argent aujourd'hui pour dire « Colin, moi je connais rien là-dedans, mais ces conseils-là me semblent tout à fait appropriés. » Et on verra avec notre ami Philippe Fournier la semaine prochaine si tout ça se tient. Pas pire, hein? Oui. Continuons toujours dans son foutu palmarès avec une autre liste de choses en fait qu'on a inventées par accident. Ah, OK. Ouais. Par accident, totalement. par exemple, tiens, on se rappelle l'histoire qu'on connaît le plus, c'était le 28 septembre, qui était la découverte de la pénicilline par le scientifique écossais Alexander Fleming. Selon cette histoire-là, un matin de 1928, il a découvert, tu sais, les petits comment on appelle ça? Et Colin, ça commence vraiment bien. Je sais pas, je pourrais pas dire. C'est les petits trucs là, que tu mets des microbes dedans, là, comment on appelle ça? Boîte de pétri, voilà, boîte de pétri. Je savais même pas que ça se dit le même en français. Ben, une boîte de pétri. Hein? Bref, rempli de la bactérie du staphylocoque et qu'il a laissé sur le bord de la fenêtre dans son laboratoire de Londres et c'est devenu contaminé d'une genre de moisissure verte. Et bref, après avoir pris un échantillon et avoir développé une culture, Fleming a découvert que c'était un membre en fait du Penicillium genus. Et donc le reste fait partie de l'histoire. C'est pas la seule découverte qui a été faite par hasard. Par contre, donc parlons-en et commençons par les cornflakes. Ces célèbres flocons de maïs. Les deux frères Kellogg, le docteur John Harvey Kellogg et son plus jeune frère et ancien vendeur de balais, Will Keith Kellogg, travaillaient au sanitarium Battle Creek du Michigan, où John était physicien en chef. Les deux étaient des Seventh-day Adventists, c'est une communauté religieuse qui utilisait leur travail au sanitarium pour promouvoir un régime austère et des principes moraux de leur religion, dont le végétarianisme strict et s'empêcher pendant toute la vie d'avoir du sexe à l'excès et de boire de l'alcool. Bref, leur recherche allait dans le domaine de la nutrition et l'impact d'un régime sur leurs patients. C'était pendant une de ces expériences-là, en 1894, pendant qu'ils fabriquaient de la pâte à travers par une céréale bouillie, qu'un des frères Kellogg a laissé ça sécher trop longtemps. Et ça s'est défait en morceaux de flocons individuels. Tu comprends, ça avait séché les céréales. Ouais. Donc, se demandant comment ça goûtait, ces trucs-là, il les a passés au four. Et il a produit une céréale qui s'appelait Granos. Ah, OK. Et après ça, il a travaillé là-dessus. Il a échangé le blé pour du maïs. Ouais. Et ça nous a donné les cornflakes. Ah, oh, c'est-tu pas le fun? C'est vraiment bien, ça. C'est pas les céréales que je préfère, là. C'est pas les céréales que grand gens préfèrent. Ouais. C'est un peu... Ça devient mou vite, hein? Ben, faut que tu les manges rapidement. C'est ça, parce que rapidement, c'est bon. Mais je préfère, tu sais, je sais que là, ça défait un petit peu l'intérêt d'avoir des céréales santé, là, mais les Frosted Flakes. Oui. On dirait que le sucre dessus empêche la mollitude. C'est vrai. La mollesse. Ensuite, une autre invention faite par accident, c'est le téflon. Ah, OK. Le polytétrafluoroéthylène, ouais. Évidemment, qu'on appelle aussi le PTFE ou le téflon, a été inventé par accident dans un laboratoire de DuPont, dans le New Jersey en 1938. C'est Roy Plunkett, chimiste de l'Ohio, qui essayait de fabriquer un nouveau réfrigérant lorsqu'il a remarqué qu'un contenant de tétrafluoroéthylène, malgré le fait qu'il avait l'air vide, pesait autant que quand il était plein. OK. Donc, il a ouvert le contenant avec une scie. Il a trouvé que le gaz faisait une réaction avec le fer de l'extérieur du contenant. Dans le fond, il y avait... son intérieur était couvert de polytétrafluoroéthylène polymérisé. Donc, c'est une substance qui ne colle pas, qui repousse l'eau et qui est un petit peu cirée. Mm-hmm. Donc, DuPont a vu le potentiel... DuPont, c'était le propriétaire du laboratoire au début, la personne qui s'occupe de ça. Bref, a vu le potentiel de la découverte de Plunkett et a commencé à produire le PTFE en masse. Mais c'est pas avant 1954, lorsque la femme de l'ingénieur français Marc Gregoire a demandé à son mari d'utiliser cette substance-là pour mettre ça sur le fond de sa poêle, son poêlon. Ah, d'accord. Pour empêcher la nourriture de coller à son poêlon. C'est là qu'on a vraiment découvert l'utilité complète de l'invention de Plunkett, l'invention. Sa découverte, c'est pas une invention en tant que telle, il a pas inventé le polytétrafluoroéthylène quand même. En effet. La prochaine invention qui a été créée par accident, c'est le Slinky. Le Slinky! Slinky! En 1943, l'ingénieur naval Richard T. James travaillait à Philadelphie, dans une cour à scrap, là, genre, mm-hmm. Quand il a frappé, sans faire exprès, un ressort qu'il essayait de modifier pour faire un stabilisateur pour un équipement maritime sensible, pour faire que ça tienne, que ça garde tout le temps la même position, quelque chose comme ça. Ça a tombé d'une haute tablette et à sa surprise, le ressort s'est mis à faire des mouvements spéciaux sur la tablette et sur une pile de livres et à partir de la pile de livres sur une table, sur la table, sur le plancher. Et après 2 ans de développement, la première batch de 400 Slinky s'est vendue en 90 minutes. Lorsqu'on a fait la démonstration dans un magasin de jouets, le département jouets d'un magasin Gimbals en 1945. Ensuite, une autre invention par accident, le silly potty. Le silly party. Le silly party, c'est comme un genre de glu, si ouais. on veut. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le caoutchouc était rationné pendant un bon bout de temps aux États-Unis, après que le Japon ait envahi plusieurs pays qui produisaient du caoutchouc dans le sud-est de l'Asie. Hein? La course a commencé pour trouver quelque chose pour remplacer le caoutchouc, un caoutchouc synthétique qui peut être produit à l'intérieur des États-Unis sans avoir besoin d'importer ça d'outre-mer. Éventuellement, ça a mené à l'invention inattendue du silly potty. Il y a apparemment deux personnes qui se battent pour réclamer le crédit de l'invention du silly potty. Le chimiste Earl L. Warwick et l'ingénieur écossais James Wright. Les deux ont découvert que mixer de l'acide borique avec de l'huile de silicone produisait donc une substance caoutchouteuse qui s'étire d'elle-même. Et ça a la capacité de prendre l'encre d'un journal aussi. Mmh. Ouais, c'est vrai, l'encre d'un journal. Ce qui a créé bien du plaisir. Ben oui, clairement. Ensuite, les post-it. Oui, les fameux petits post-it. En 1968, pas, j'avais post-it en tête, mais je voulais pas la faire. T'avais quoi? Post-it. Mais faut pas faire ça. Les post-it, donc en 1968, un chimiste chez 3M, on connaît la compagnie 3M pour plein de produits, papier collant, etc. Donc un docteur Spencer Silver qui essayait de créer un adhésif super solide, mais à la place, il a inventé quelque chose qui était vraiment faible. Ok. Ça collait pas pantoute. Mais il a dit, Colin, on pourrait utiliser ça pour coller des choses temporairement ensemble. Hein? Mm-hmm. Cette application qui avait l'air plutôt limitée à l'époque voulait dire que ça a finalement été pas tellement utilisé par 3M, qui s'appelait Minnesota Mining and Manufacturing à l'époque, pendant environ 5 ans, jusqu'en 1973, où un collègue nommé Art Fry s'est présenté à un des séminaires de Silver et a eu l'idée donc, que cette colle impermanente pourrait être utilisée pour coller peut-être un signet sur les pages de son livre. C'est un livre religieux, un livre de prière, lui, à l'époque, mais bon. Bref, ça a pris quelques années encore pour que 3M soit convaincu de l'idée de Fry et de Silver, Monsieur Frit et Monsieur Argent, on l'appelle, pour pouvoir vendre ce produit-là. Mais éventuellement, ils ont trouvé un design unique qui fonctionnait parfaitement. Un petit film de l'adhésif de Spencer appliqué à un petit morceau de papier. On a fait un test sur le marché en 77, ça a été un échec. Ça s'appelait le Press and Peel. Ça n'a pas fonctionné. Ah pas, ne pas confondre avec Key and Peele, le duo d'humoristes américains. Oui. Donc, le produit est devenu national avec Post-it en 1980. Donc, 3 ans plus tard, entre Press and Peele et Post-it. Ensuite, la saccharine, le faux sucre, le sweet and low, comme on l'appelle. C'est en 1878 ou 1879, le dépendant des sources quand même, que Constantin Fallberg, un chimiste qui étudiait les propriétés de l'oxidized coal tar, c'est une sorte de goudron au charbon. C'est pas mal ça. À l'université de Johns Hopkins, à Baltimore, dans le Maryland, il a découvert, en mangeant son repas un soir, que la nourriture qu'il prenait avec ses doigts goûtait plus sucrée qu'à la normale. OK. Donc, il a retracé l'effet sucré à un produit chimique qu'il avait... Pas un produit chimique, mais quelque chose de chimique sur quoi il travaillait ce jour-là. C'était de l'ortho-sulfobenzoïque acide imide. OK. Il a noté son potentiel... Et puis rapidement, il a commencé à produire ça en masse sous le nom de saccharine. C'est devenu rapidement populaire et très controversé aussi, mais ça a pris les rations de sucre pendant les deux guerres mondiales, la première et la deuxième, où on manquait de sucre. Ouais. Donc la découverte est devenue, si on veut, universelle. Quand on parle d'universel, on parle dans l'Amérique du Nord, évidemment. Mm. Parce que les Américains se pensent universels, je pense. Mm-hmm. Ensuite, toujours dans les choses inventées par accident ou découvertes par accident, le popsicle. Ah, ouais. Hey, Colin, je suis tellement heureux d'entendre ça. Mais je savais pas ça. Le popsicle. Le premier popsicle, en fait, qui a été inventé par un garçon de 11 ans. OK. Frank Epperson. En 1905, il a laissé un contenant de... De soda et d'eau, donc de poudre de soda et d'eau, oui. Et puis le mélange était avec un bâton à l'intérieur. Il a laissé ça apparemment sur sa galerie pendant la nuit. Et une nuit froide plus tard, le popsicle est né. Hein? Epperson, au départ, appelait ça un Epsicle parce qu'il s'appelle Epperson. Epsicle. Oh, c'est cute, hein? Ouais. Bref, ça a pris 20 ans quand même. C'était 20 ans quand après même. Son 11e anniversaire. Donc, quand même, à 31 ans. Et finalement, le verre laminé, ce qu'on appelle des fois le safety glass, qui a été découvert par un chimiste français, Édouard Bénédictus, lorsqu'il a fait tomber, en fait, un contenant de vitre d'une très haute tablette dans son laboratoire. Il a découvert à sa surprise que ça avait éclaté, mais que ça avait pas défait en, que c'était pas défait en petits morceaux. Tu sais, c'est les vitres qui se défont en morceaux, pas en petits morceaux. Bref, son assistant a informé que ça contenait du de la nitrate de cellulose. C'est un type de plastique naturel clair qui dans le fond qui avait qui était resté à l'intérieur, qui avait collé comme un genre de petit film à l'intérieur du verre. Il a donc essayé de breveter sa découverte en 1909. Et puis c'est en production depuis dans différentes formes, donc le safety glass, verre laminé. Voilà, intéressant. Des choses qui ont été inventées ou découvertes par accident, voilà, dans son foutu palmarès. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Dans quelques instants, ce sera ta première chronique, Tania Escolar-Tretinia. De quoi tu nous parles déjà tantôt? Je vous parle d'équité salariale. Ah, génial. Mais avant ça, comme on vient de faire une liste, on écoute These Three Things, ces trois choses-là, par Hot Assemblage Requis. When you wake up in your morning, head on down the river. See your soul, feel its sway. Hear the world screaming, listen your name. Makes it seem like nothing could hear you. You fall back off the ledge, your mind's eye. You can see how you land, and that's the difference. Now proceed calmly to the edge of your road, a narrow way that is leading you home. You feel your shoulder tightening, so you need and sway. If you're made of stone, then turn into clay. Wash away my body, I don't need it. I start moving slowly, glisten and hurt. Amelia's a note for me, I'll leave in a day. A precious secret like a bird inside a vest. Wings won't mend, so I hope that I can. It doesn't speak, it just sings till it burns. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi matin 27 mars 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Mais Mathieu Plante va prendre son trou un peu pour laisser parler Tania dans Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna dream. Aujourd'hui, Tania, hashtag adulting. Ouais, hashtag adulting. C'est plate, hein, la vie d'adulte. C'est pas facile. I know what you mean. Pas facile. Mm-hmm. J'essaie de parler puis de déprendre ma chaîne dans mes cheveux en même temps. Ah. Shine bright like a diamond. Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, on parle d'équité salariale, Mathieu. Oui. Parce que je suis tombée sur deux articles très intéressants du Huffington Post Québec qui relataient certains faits sur, justement, l'égalité des sexes au sein d'une entreprise, mm-hmm. l'écart salarial. Pourquoi est-ce que ça existe, ce fameux écart-là? Parce que même si les gens pensent que c'est fini, cette histoire-là... Ben oui, c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était la même chose. Ouais. Pas du tout. Puis, Dieu sait aussi qu'une entreprise, je crois que c'est la place première où on peut, justement, faire une différence sur l'égalité homme-femme. Mm-hmm. Et je vous dirais que je m'étais jamais vraiment senti mal d'être une femme jusqu'au jour où j'ai passé une entrevue et on m'a demandé si deux mois après l'embauche, je serais enceinte et je voudrais quitter. On voit ça, là, ces histoires-là, c'est ridicule. J'ai pogné ma pof, comme on dit en bon vieux québécois. Ouais. J'ai été un peu mécontente de ce commentaire. Ah, et ouais. Par la suite, on m'a posé, dans la même entrevue, on m'a posé la question « Toi, ton chum, es-tu correct avec le fait que tu fasses 12 heures par jour? » Sérieux, hein? Pardon? T'as envie de le frapper fort? Ouais, j'ai tout simplement répondu au même titre qu'il m'avait parlé, mais bon, ça, c'est une autre histoire. On veut savoir. J'ai dit, écoute, premièrement, j'ai pas de chum, je compte pas avoir de chum, et je vais travailler les 12 heures, et même plus, et je vais vendre plus que tes employés ici. Ok, fait quand t'as... Okay. Et on m'a répondu, j'aime ton arrogance. T'as eu la job? Ouais. Ok, wow. J'ai eu la job. Je peux rester... Mais que tu veuilles travailler pour ces gens-là, c'est quand même... Je voulais... En tout cas... Ça le cache. Ben, pas nécessairement le cache. Je voulais travailler pour l'institution. Ah, d'accord. Et non pas la personne qui me passe en entrevue. Je comprends. Et je pense que peut-être qu'on fait pas nécessairement toujours la différence. C'est sûr et certain que si vous mettez quelqu'un à la tête de vos entrevues qui est un deux de pique, ben c'est sûr et certain qu'il fait mal refléter votre entreprise. Ouais, effectivement. Hein? Donc, de ce côté-là, j'ai mis ça de côté, mais c'est la première fois que je réalisais qu'on pouvait avoir justement un regard différent chez les femmes parce que toute ma vie, on m'avait dit « Tania, t'es au même point d'égalité qu'un homme. Sache que tu vaux la même chose. » Tu sais, mes parents m'avaient encadré à ce niveau-là. C'est une bonne façon d'encadrer le monde. Exactement. C'est juste pas nécessairement vrai. Je m'étais jamais posé la question « Est-ce que ça peut réellement arriver que tu sois... » mise de côté, entre guillemets, parce que tu es une femme. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était peut-être pas tout le temps une bonne affaire d'être une femme. C'est encore utopique. Oui, exactement. Puis, en même temps, non, c'est ça, c'est pas utopique parce que ça peut se faire. C'est juste que là, c'est pas présentement comme ça, mais ça va arriver un jour. C'est ça, exactement. Puis, je crois que c'est rendu normal de se poser la question en tant que femme, est-ce que je gagne la même chose que mes collègues hommes? Ouais, parce que les patrons n'encouragent pas nécessairement à ce qu'on parle de nos salaires. Hein? Exactement. C'est dans, tu sais, je veux dire, il y a certaines entreprises qui mettent la table directement après l'entrevue. Ouais. Donc, du moment de l'embauche, sache que tu gagnes la même chose que tout le monde ici. Souvent, les emplois syndiqués, ça va être... tout le monde le sait. Exactement. Puis, c'est sûr et certain aussi que le montant d'une paye a souvent été tabou à discuter. Ouais. On discutait pas nécessairement de nos salaires, peut-être justement parce que on savait qu'il y avait une injustice à ce niveau-là. Ça crée de la jalousie, c'est sûr. Exactement. Les postes, les tâches, peu importe. Comment est-ce que tu peux justifier un paycheck, comme on dit? Alors, de ce côté-là, je pense, tu sais, c'est comprenable qu'on parle pas nécessairement tout le temps de notre argent. Par contre, de se poser la question, est-ce que je gagne la même chose considérant le fait que je suis une femme versus des collègues hommes, je pense que c'est juste normal. Ils font le même poste. Exactement. Et même en 2018, en fait, les sujets qui sont reliés à l'équité salariale et à l'égalité des sexes aussi, ça reste d'actualité, là, pas mal, surtout au sein du travail. Est-ce que c'est possible de s'assurer d'aller vers l'égalité salariale? Comment est-ce qu'on peut évaluer l'importance de cette égalité-là? C'est des questions question que plusieurs personnes se posent, plusieurs firmes aussi se posent. Et il y a certaines études qui ont été données, qui ont été faites. Donc, plusieurs facteurs qui favorisent une culture d'égalité entre les hommes et les femmes sur un milieu de travail. Et là, je tiens à le dire, on parle vraiment de milieu de travail. Là. On parle pas de petits jours dans la rue, puis on parle au sein d'une même entreprise, ouais. Là, on s'entend. Donc, l'étude a été identifiée 40 personnes. On a aussi sélectionné quelques-uns de ceux-là. La liste complète, en fait, si jamais ça vous intéresse, je la mettrai sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Mais il y a 20 facteurs qui sont ressortis de cette fameuse étude-là pour l'épanouissement de tous au travail. Le premier, c'est l'organisation qui indique des objectifs clairs au sujet des rémunérations. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est que dès le moment où on poste un emploi sur Internet, on écrive le salaire parce que ça indique que si une femme ou ben un homme postule sur le poste, ça sera pas à discuter. C'est louche, ça, à discuter, hein? C'est vraiment louche comme terme, je trouve. Tu veux un employé? Dis-moi ce que tu m'offres. Ben oui. Tu sais, je pense que c'est parce que tu fais perdre du temps à tout le monde. Tu fais vraiment perdre du temps à ben tout oui, le monde. Tout à fait. Si c'est marqué à discuter puis que le salaire est beaucoup plus bas, t'invites des gens à des entrevues qui voudront même pas le poste. Ben non, toi, c'est tu prends ça. Ton temps à les recevoir en entrevue. Exactement. Ça n'a aucun sens. Il faut s'assurer aussi que l'équipe de direction est diversifiée. Là, quand on parle d'être diversifié, c'est-à-dire une bonne partie d'hommes, une bonne partie de femmes aussi. Pas nécessairement juste un des deux, parce que ça peut arriver aussi le contraire, quoique je ne crois pas nécessairement que ça se fasse beaucoup au Québec. Sûrement pas. Mais si on s'en va travailler, par exemple, pour une entreprise qui est complètement féminine en étant un homme, est-ce qu'on a, à ce moment-là, une inégalité salariale? Peut-être est-ce que ça se peut. Si vous êtes un de ces hommes, eh bien, manifestez-vous. J'aimerais savoir si ça se fait. Il y a des exceptions dans tout. Exactement. Il faut savoir aussi qu'il y a des progrès qui ont été accomplis pour attirer et faire progresser les femmes. Parce que parfois, dans certaines demandes d'emploi, eh bien, on va demander une femme. Où on va demander par exemple, je sais vraiment pas du titre que je pourrais donner, mais on promouvoit en fait l'égalité homme-femme vers la fin des postes d'emploi, tout simplement. Donc, sur les sites d'emploi, si vous faites le tour, parfois, vous allez voir, il y a un astérix et on dit justement que vous n'allez pas être mise à l'écart si vous êtes une femme, vous allez être comptée comme n'importe qui d'autre au niveau de l'égalité salariale. Et voilà. Par la suite, la proportion de femmes à la haute direction, ça a augmenté au cours des 5 dernières années, et ça, pas nécessairement au sein d'une seule entreprise, mais dans plusieurs entreprises au Québec. Donc, on a un nouveau regain là, à ce niveau-là, de pouvoir démontrer que les femmes peuvent avoir une carrière aussi, parce qu'il faut se rappeler qu'avant, c'était pas nécessairement le cas. Les femmes, on voulait pas nécessairement qu'elles aient de carrière, on voulait plutôt qu'elles restent à la maison. Il y a des femmes qui sont super bien avec ça en passant, et c'est pas sujet à discussion, non, je crois. Exactement. C'est peut-être sujet de discussion au sein d'un groupe d'amis, à savoir pourquoi, c'est quoi tes motifs ou peu importe, mais de là à discriminer des femmes parce qu'elles désirent rester à la maison avec les enfants, je crois pas que ce soit vraiment sujet de tabou rendu en 2018, on s'entend. Il y a des politiques de maternité qui sont de plus en plus claires, qui se font mettre en place un petit peu partout au Québec, un petit peu partout au Canada et ailleurs aussi. Donc, on voit la progression là, sur les politiques parentales qui sont déjà en place. On voit aussi des politiques s'améliorer. Si on regarde récemment, la semaine dernière, il y a une nouvelle politique au niveau de la maternité qui est sortie. Donc, les femmes qui sont enceintes de jumeaux ou qui adoptent vont avoir un congé de maternité qui va être beaucoup plus long parce que, bon, tu as plus d'enfants à ta charge à ce niveau. Là. Donc, je crois qu'il y a comme un certain ajustement qui n'avait pas été fait depuis un bon nombre d'années au Québec et ça se fait présentement. Donc, c'est le fun d'apprendre ça. Et quand on parle de politique parentale, c'est qu'on doit comprendre que ça s'appelle un congé de maternité, mais il y a aussi les congés de paternité. Mm-hmm. Chose qui n'était pas nécessairement là il y a plusieurs années de ça. Moi, je pense pas que mon père ait eu un congé de paternité quand ma mère a été enceinte. C'était vraiment les femmes qui accouchaient et par la suite, on restait à la maison. Donc, de ce côté-là, on voit vraiment là, les hommes qui lèvent la main et décident de rester eux aussi par la suite à la maison parce que madame veut retourner au travail et je crois que c'est tout simplement normal. Donc, à ce niveau-là, on voit que l'égalité des sexes au niveau d'une entreprise, ça augmente de plus en plus et c'est ça qui est le fun. Par la suite, les employés peuvent éviter les voyages à l'étranger ou à longue distance par des réunions qui vont être virtuelles. Donc, c'est quelque chose qui a été mis de l'avant. C'est quelque chose, encore une fois, pour l'égalité. Si on veut partir en voyage ou peu importe, on ne sera pas nécessairement dans une mauvaise situation par rapport à tout ça. Et bien évidemment, le leadership, tantôt je parlais des hautes directions qui sont de plus en plus féminines. Et bien, même chose du côté du leadership, on a une attitude positive par rapport à plusieurs entreprises où on va justement mettre de l'avant le leadership des femmes, les femmes qui sont au sein de l'entreprise. Ça devient une espèce de promotion aussi de mettre de l'avant cette espèce d'équité salariale-là, cette espèce d'égalité des sexes pour une entreprise, parce qu'elle devient par la suite attrayante à côtoyer ou tout simplement acheter certains produits. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a un effet marketing peut-être qui pourrait découler de tout ça, mais je crois que c'est pour le bien des choses et ça pourrait être simplement mieux pour tout le monde par la suite. Je vous disais que ça fait de bon nombre d'années qu'on connaît cette inégalité salariale-là au niveau des femmes et des hommes, mais on se pose rarement la raison, on se pose rarement la question, oui, pourquoi? Parce que, bon, on le sait, on a discuté tout à l'heure que les femmes étaient peut-être plus du style à rester à la maison. C'était ancré dans certaines générations. Les femmes allaient prendre soin des enfants. Mais les femmes sont de plus en plus scolarisées. On perce lentement le fameux plafond de verre pour justement s'émanciper au niveau des carrières. Donc, l'équité salariale, c'est pas toujours gagné entre les sexes. Mais la rémunération des femmes, ça fait des gains quand même assez importants depuis les années 80 au Canada, non seulement ici au Québec, mais vraiment là, à la grandeur du Canada, on a passé de 77 à 88 cents pour chaque dollar gagné par les hommes, mais il reste encore beaucoup de chemin au niveau des femmes. Donc, on s'est penché sur la question du côté du Huffington Post. On est arrivé à 5 grandes raisons pour lesquelles l'inégalité salariale existe, pourquoi elle est là et pourquoi on a peut-être un petit peu plus de difficulté à s'en défaire, encore une fois. Eh bien, la première, c'est que lorsque les métiers ont commencé à se féminiser, les salaires ont baissé. Donc, entre 1950 et 2000, les femmes ont pris d'assaut le marché du travail. On s'est un petit peu révoltés. On a investi dans certains métiers jusqu'à temps qu'ils étaient... En fait, c'était des métiers qui étaient simplement occupés par les hommes. Et là, on a vu des femmes qui ont voulu s'en occuper. On a voulu justement rentrer d'aplomb dans le niveau du travail. Donc, le résultat qui a été relevé par des statistiques des bureaux américains lorsqu'on a fait les recensements et tout ça, c'est parce que les femmes ont été généralement moins bien payées que les hommes et le salaire moyen de ces métiers-là a décliné avec les années. Par contre, si on regarde les mêmes métiers avec le temps, c'est un écart salarial qui s'est atténué. Il y a d'autres facteurs qui ont contribué à le maintenir, comme par exemple le nombre d'heures travaillées, la conciliation travail-famille ou que les femmes voulaient peut-être conserver à l'intérieur d'un horaire d'emploi. Et il y a des différences des salaires qui s'observent dans les métiers qui étaient dits féminins aussi. Donc, autrement dit, les hommes à leur entrée dans ces métiers-là gagnaient tout de suite plus que les femmes, chose qui n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. Par la suite, bien, les emplois qui sont restés féminins payent moins. Ah. Donc, il existe quand même une ségrégation là, des métiers qui est d'ailleurs devenue la cause la plus importante de disparité salariale entre les sexes, selon une étude de l'Université Cornell qui est parue en 2016. Et malgré l'arrivée des femmes dans certains métiers là, traditionnels dits masculins là, en passant, bien, il y a plusieurs emplois qui restent encore dans l'espèce de bassin des métiers de femmes. Donc, par exemple, éducation à la petite enfance, la restauration, le commerce, les soins aux personnes âgées, ce sont des métiers que, oui, on voit beaucoup d'hommes devenir de plus en plus dans ces sphères-là, mais ça reste à la base, encore dans la tête de plusieurs, des métiers qui sont reliés directement aux femmes. Ouais. Donc, comme ces métiers-là sont traditionnellement moins bien payés, mais on contribue à faire baisser la moyenne générale des salaires des femmes, parce que ce sont la plupart du temps des femmes qu'on va voir dans ces métiers-là. Donc, souvent, les compétences nécessaires pour occuper ces emplois-là sont pas nécessairement reconnues parce qu'elles sont considérées comme innées chez les femmes. Wow. Et par exemple, l'empathie, la minutie, le besoin, pas nécessairement le besoin, mais la facilité à aller aider quelqu'un. Donc, de ce côté-là, c'était des choses qu'on recherchait chez les femmes et c'est pourquoi ils ont été appelés des métiers de femmes. Certains professeurs du côté de l'Université de Montréal qui ont réussi à justement déceler ça avec l'histoire et ces métiers tendent quand même à être sous-évalués. Donc, on voit de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à ces métiers-là. On s'entend éducateurs à la petite enfance. Là. Il y en a quand même des hommes qui font ça, même chose du côté des infirmiers et des infirmières. Mais il y a de ça jadis longtemps. C'était seulement des les femmes qui le faisaient. Donc, à ce niveau-là, c'est pourquoi il y a encore peut-être une inégalité salariale à ce niveau-là. Par la suite, les hommes sont majoritairement ceux qui font des semaines de plus de 50 heures. Ah, OK. Donc, les longues semaines de travail, ça semble être quand même assez facile pour des hommes. Fouille-moi pourquoi. Mais il y a parmi les travailleurs et les travailleuses qui accomplissent plus de 50 heures de boulot chaque semaine, c'est 70 % des hommes qui le font. C'est très, très rare que les femmes vont aller à plus de 50 heures par semaine. Généralement, les entreprises vont récompenser ces travailleurs-là acharnés. On va hausser leur salaire ou on va leur offrir des promotions ou bourses. Ça se fait, ça? Oui, ça se fait selon ton métier. C'est que souvent, ça va être à la cote. Okay. Je veux dire, tu vas faire une cote sur ton nombre de voitures vendues. Ah, okay, ouais, c'est comme ça. Mais si tu fais 50 heures, tu as pas mal plus de chances d'en vendre que si tu en fais 25. Mm-hmm. On s'entend à ce niveau-là. Donc, 70 % des hommes font plus de 50 heures et c'est pas le même chiffre au niveau des femmes. C'est peut-être la raison, encore une des raisons, pourquoi il y a une inégalité salariale à ce niveau-là. Peut-être aussi le fait que, je sais pas, on parlait de inné, de personnalité masculine, féminine. Est-ce que les gars en entrevue vont avoir tendance à être au-dessus de leurs affaires et demander plus cher comme... vraiment aller comme à l'extrême, alors que les femmes sont peut-être contentes de garder ce qui est déjà peut-être offert. Que les hommes sont un petit peu plus féroces au niveau de la question du salaire. Les femmes, on demande qu'est-ce que vous m'offrez et probablement que peut-être que les hommes demandent ce que je veux. Ouais, je suis clairement une fille en entrevue, c'est clair. Ah, peut-être, mais il y en a plusieurs comme ça. moi, je dirais que peut-être que je suis un petit peu trop un homme. Ouais, voilà. Mais la question d'entrevue reste quand même une bonne porte d'entrée pour savoir comment manipuler quelqu'un aussi, je te dirais. Donc, de cette façon-là, peut-être que les hommes sont un petit peu plus clairs face à leurs besoins et face à leurs désirs. Plus demandants, surtout. Peut-être aussi. Exactement. Par la suite, une des raisons pour lesquelles les femmes continuent d'être moins bien payées, c'est la pénalité à la maternité. Ben oui. La société a fait quand même de gros progrès, là, on le disait tout à l'heure, depuis les années 50 dans la reconnaissance de la conciliation travail-famille et dans l'institution aussi des congés parentaux. Les femmes continuent d'être désavantagées lorsque vient le temps de fonder une famille, puis on s'entend, tu le fais pas tout seul, ce bébé-là. Ben non. Donc, il y a des chercheuses qui se sont intéressées à cette question-là, surtout du côté de l'Université de Massachusetts, où on a conclu que les femmes qui retournent sur le marché du travail après avoir eu un enfant font face à une pénalité salariale de 4 % par enfant, qui pourrait apparemment pas nécessairement expliquer d'autres facteurs. Cette pénalité-là, elle existe, point, elle est là. Plus encore, il y a une étude danoise qui a été menée sur plus de 30 ans qui a démontré l'impact majeur des enfants sur la carrière des femmes. Et si on voit, par exemple, une femme qui a 100 enfants, eh bien, leur salaire augmente sensiblement au même rythme que leurs collègues masculins. Mais les mères de famille tirent de l'arrière, donc leur salaire diminue de 30 % dès leur premier enfant. Et on n'arrive jamais nécessairement à combler cet écart-là plusieurs années après être retourné au travail. Donc, c'est une situation quand même alarmante. Ben oui. Là, on va se le dire, quand les femmes atteignent la trentaine, on voit des risques de chômage beaucoup plus élevés chez les femmes et des difficultés aussi à retrouver un poste ou un emploi qui va équivaloir ce qu'elles avaient avant. C'est ça, parce que c'est bien beau de dire, bon, il y a des lois, il y a des trucs comme ça qui forcent les employeurs à te remettre dans le même emploi que tu étais, si je me rappelle bien. Mais si tu étais à contrat et que ton contrat, ça donne à juste pas être renouvelé parce que tu as dit que peut-être que tu voulais des enfants un jour, c'est plate. Ben oui, exactement. Ça pèse dans la balance. On le disait tout à l'heure, au Québec, bien, le congé parental a quand même assez changé. Ça a changé juste en 2006, en passant. On a comme réalisé, en fait, que les pères, c'était quand même assez important aussi dans l'éducation des enfants. Donc, on a permis aux femmes de se libérer des contraintes familiales. Est-ce que ça a vraiment fonctionné? Bien, il y a des entreprises qui commencent à reconnaître que les hommes sont aussi des pères. Donc, c'est une chose qui est quand même assez importante. De ce côté-là, les hommes ont bien progressé au Québec. Le reste du Canada, c'est peut-être différent même, mais il y a beaucoup de femmes qui considèrent encore qu'il y a des difficultés qui sont liées à la conciliation travail-famille au moment de choisir leur métier, au moment de choisir leur mode d'exercice. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire les congés parentaux aussi? C'est quelque chose qui amène une certaine pénalité dans la vie d'une femme, beaucoup plus que dans la vie d'un homme. Et la dernière raison pour laquelle les femmes continuent d'être moins bien payées, eh bien, on demande une augmentation. Il faut qu'elle soit acceptée. Mm-hmm. Tout à l'heure, tu parlais en entrevue. Est-ce que les hommes sont plus du genre à dire « moi, je veux le temps » je vais pas aller en dessous de ça. Bien, les femmes semblent quand même avoir gagné en confiance. On demande maintenant des augmentations, souvent peut-être plus que leurs collègues masculins aussi. Par contre, en début de carrière, les femmes qui manifestent leur intérêt de grimper les échelons, par exemple, bien, on a 18% moins de chances d'être promues que les hommes. C'est une enquête américaine qui s'appelait Women in the Workplace 2017. Est-ce que les hommes se sont menacés par les femmes qui veulent prendre leur place, ça? Bien, en fait, l'hypothèse la plus fréquente, c'est que ça coïncide avec le moment où elles désirent fonder une famille. Ah. Et les employeurs craignent qu'elles soient moins disponibles pour l'entreprise. Donc, ça va être refusé. C'est un petit peu, si on regarde le début de la chronique, c'est un petit peu ce qu'on m'avait demandé. Donc, si on regarde cette même enquête-là, si les deux sexes obtenaient leur promotion au même moment ou au même rythme, il y aurait deux fois plus de femmes qui occuperaient des postes de haute direction que des hommes. Il faut rapidement identifier les femmes qui sont compétentes et leur dire qu'elles peuvent accéder à des postes beaucoup plus importants. Donc, à ce niveau-là, la façon dont les entreprises ont fortement travaillé, c'est qu'on décourageait les femmes d'avoir une famille pour qu'elles puissent garder une haute directive au sein de l'entreprise. Donc, les hommes doivent agir comme mentors auprès des femmes à certaines reprises. C'est pas nécessairement tout le temps que, mais il y a une progression à ce niveau-là. Et les femmes ont peut-être moins souvent l'envie d'avoir une famille aussi, d'y aller beaucoup plus carrière. On veut une famille beaucoup plus tard. Je crois que les raisons pour lesquelles les femmes continuent d'être moins bien payées sont quand même assez explicites. Elles sont aussi discutables et j'imagine qu'il y a encore beaucoup place à amélioration. Vraiment, c'est dérangeant tout ça. On parle souvent de côté avec Jimmy Thibodeau. C'est pas parce que mettons, les femmes sont discriminées de façon inconsciente, peut-être, par les hommes. Parce que les hommes vont souvent dire « Ah, mais non, mais tu sais, ça va être la meilleure personne qui fait la job que je vais prendre. » Ouais. Oh, mais inconsciemment, tu penses à ces trucs-là que tu veux mentionner. Oui, exactement. Tout à fait. Bref, merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania is gonna entertain you. J'ai pas grand chanson qui ont rapport avec les femmes tant que ça, mais j'ai quand même Hubert Lenoir que je t'offre avec « Fille de personne 2 ». Assemblage rock. Yeah. suis venu te dire que tu peux changer. Personne de Los. Marc-Olivier Dumas s'en vient après la pause avec Scar et Filoché. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui, Marc-Olivier? On va faire un petit retour sur le soccer intérieur. Oh, qui a eu on va en discuter. F.U. Un petit retour d'honneur. Hey boy, oh, ouais, c'est bon, ça, au retour oui. À Sondage Requis. À Sondage Requis. Que toi aujourd'hui. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 27 mars 2018 avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Avez-vous remarqué, Marc-Olivier Dumas qui est avec nous aussi, avez-vous remarqué que les stéréotypes masculins-féminins sont vraiment présents de votre bord de la table? Parce que là, t'as Marc-Olivier Dumas, typiquement masculin, avec son chandail de groupe de métaux. Hein, groupe métal, c'est ça? Métaux. Et Tania qui est habillée encore avec des fleurs aujourd'hui comme hier. Mais j'avais d'autres des fleurs. Oui, c'est vrai, j'avais des fleurs. Écoute, parce que j'expérimente mon look. C'est ça. Elle essaie des choses dans la vie. Ben, c'est parce que dans la vie, je serais tout le temps bien en noir, sinon. Ah, j'avoue, hein. Puis moi, c'est un kraken, fait que c'est mon seul dieu Toulouse, voyons. OK, c'est ça, c'est une bête, officiellement, c'est un kraken, son espèce, c'est ça? Ben, en fait, ça, c'est un groupe de musique métal piraterie, dans le fond, okay. Et bon, sur ce chandail-là. C'est Hailstorm, en passant. Hailstorm, comme orage de bière. Ouais. Genre, c'est ça. C'est ça, et sur l'image, c'est une sorte de kraken qu'il y a dessus, là. Ça va beaucoup avec la mythologie de la piraterie. OK, ça ressemble une pieuvre. Ben c'est ça, le kraken c'est comme une grosse pieuvre. Ah, ok. Tu feras tes recherches. Ouais, c'est ça, je vais aller Wikipédier ça. Ça peut marcher ce verbe-là, hein? Wikipédier. Si tu dis googler. Mm. Je pourrais passer à autre chose aussi. genre la chronique de sport et filoché tout de suite avec Marc-Olivier Dumas. Chez Marc-Olivier Dumas qui est avec nous pour parler de ces sports-là à différents niveaux, à différents degrés de proximité avec nous. Différents degrés d'antisportif aussi. Ouais, aussi. Tu sais, on dit ça des fois qu'on est antisportif, là, et ça, c'est la définition même, je pense. Hein? Oui. Tu sais, il y a une limite. Mais ça m'a dépassé. C'est t'sais. Ça. Puis, on va se le dire, les finales ne sont pas réputées pour être les matchs les plus... sympathiques. Les plus sympathiques, les matchs avec le plus d'esprit sportif. C'est ça. Les esprits s'échauffent assez vite. C'est sûr qu'on veut gagner, c'est normal. Mais il y a toujours une grosse limite. Et là, elle a été dépassée, d'après moi. Donc, parlons-en, mettons un petit peu de contexte autour de cette histoire-là. On parle de soccer. Oui, soccer intérieur, c'était les finales, demi-finale, finale, en fait, cette fin de semaine au complexe sportif Alphonse Desjardins. Donc, depuis quelques saisons, on a la chance à Trois-Rivières de recevoir les finales de soccer intérieur. Sur la surface synthétique, c'est plutôt. Exactement. Je pense que ça fait 3 ans de suite, si je me trompe pas. Et donc, on a cette chance-là. Et les Patriotes qui ont très bien répondu le samedi soir avec une excellente victoire de 5 à 1. Mm-hmm. On va se dire au soccer une victoire de 5 à 1. C'est, hein? Ça commence à être un massacre. C'est ça, c'est rare. Et Laval de l'autre côté qui avait remporté un match de 1-0 face à Sherbrooke. Donc, c'est un rendez-vous entre l'UQTR et l'Université Laval. Chez les garçons. Chez les garçons. Bien sûr. Du côté des demoiselles, les Patriotes ne s'étaient pas qualifiés pour les demi-finales. Donc, j'en parle un petit peu plus tard. Ouais, OK, parfait. Good. Pour l'instant, c'est pas ça. Donc, finale entre l'UQTR et Laval. Et... on aurait dit que les joueurs jouaient comme s'ils allaient gagner la Coupe du Monde. Là. Ouais. C'est vrai, hein? Hey, t'as raison. Et ça courait sur le terrain, ça criait, c'était fou. Tu sais, quand je dis que ça dépasse les bornes, oui, c'est normal de jouer avec intensité. Oui, on veut gagner. C'est une finale. Pour certains, c'était peut-être leur dernier match en carrière universitaire. Mm-hmm. C'est normal. Mais je pense qu'il y a un principe de base qui n'a pas été respecté. Ce principe-là, normalement, je dis bien normalement, doit être enseigné depuis le plus jeune âge, avant même que tu embarques pour la première fois sur un terrain. Et par le coach après, qui devrait renforcer un petit peu ces principes de façon de jouer là, de bonne conduite, de ne pas être mauvais gagnant. C'est ça. Le premier principe qu'on devrait toujours apprendre quand on est jeune, c'est respecter l'adversaire en tout temps. Si ton adversaire n'est pas là, il n'y a pas de match. Et, tu sais, il y a une chose, on dit être mauvais perdant, mais il y a mauvais gagnant aussi. Moi, je suis très d'accord avec ça. Mauvais gagnant, mm-hmm. C'est pas plus le fun, là. C'est baveux puis c'est déplaisant. Oui, ça. Tout à fait. Qu'est-ce que t'entends par respecter ton adversaire? Parce que je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que toi, tu veux dire? On s'entend, respecter l'adversaire, c'est... Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des échanges de mots sur le terrain. Ça fait partie du match, on va essayer de déstabiliser un petit peu. Mais quand on rentre dans les insultes, quand on rentre vraiment dans des attaques personnelles, là, c'est une autre histoire. Mais on n'a pas justement mis le contexte. Peut-être qu'on devrait l'expliquer un petit peu, finir ta phrase, mais parce qu'on n'a pas du tout parlé de ce qui s'est passé encore. Donc, ce qui s'est passé, l'UQTR menait 1-0 à ce moment-là. Mm-hmm. Et il y avait déjà eu des cartons rouges. Laval était à 10 contre 11 à ce moment-là. Cartons rouges, ça, c'est des gens qui se font expulser du match pour mauvaise conduite. Hein? C'est bien éduqué, Mathieu. Merci beaucoup. Ben, des fois, c'est pas nécessairement une mauvaise conduite, mais un tac qui est illégal, tac dangereux, deuxième avertissement. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener un carton rouge. Ça peut être aussi simple aussi, même si c'est semi-involontaire. Par exemple, un joueur dans la surface de réparation, donc dans la surface gardien de but, qui utiliserait ses mains pour bloquer un tir, alors que c'est pas le gardien de but. À ce moment-là, s'il ferait l'arrêt et le but ne rentrerait pas, il y aurait un carton rouge qui serait décerné. Ouais. Et que ce soit volontaire ou pas, des fois, c'est un petit peu à la discrétion de l'arbitre, mais un rouge long. Il y a plusieurs raisons, mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment parce que le match commençait à dégénérer, il y a eu des rouges. Et donc, là, Laval a réussi à égaliser la marque 1 à 1. Et après avoir égalisé, les joueurs de l'Université Laval ont couru le long des estrades où il y avait les spectateurs et se sont mis à faire des doigts d'honneur. Ouais, des fingers, hein? C'est ça. Des bras levés aussi, je pense qu'il y a eu des bras levés. Mm-hmm. Comment t'appelles ça? Hein? Et donc, quand on parle de respecter l'adversaire, oui, il y a respecté l'adversaire sur le terrain, mais il y a les partisans aussi qui, eux autres, sont juste là pour encourager leur équipe. Mais ce qu'on a entendu dans les médias locaux, c'est le... Je sais pas, la nouvelle venait d'où? Moi, je l'ai vu par le Zone Campus, j'imagine que c'est peut-être pas la première source, mais quand même, qu'un membre du public a envoyé promener un des joueurs en... disant quelque chose de négatif par rapport à son père décédé. Exactement. C'est ce qu'on a appris. Donc, ça ne vient pas justifier le comportement des joueurs. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, au soccer, il y a cette proximité-là entre le public et les joueurs qui sont sur le terrain. Contrairement à, par exemple, des joueurs de hockey où il y a une baie vitrée qui fait quand même, honnêtement, une bonne barrière de son, là, on va se le dire. Qui peut le faire, oui. T'as l'impression de regarder la TV au hockey plus qu'au soccer où t'es vraiment directement Exactement. Devant les joueurs comme théâtre. Le football américain, c'est quand même assez différent aussi. Oui, tu vas avoir des insultes, mais les partisans sont très, très surélevés. Ouais. Tandis qu'au soccer, c'est vraiment plus une question de proximité. Moi, personnellement, je crois que si t'es un joueur de soccer, ou peu importe quelle discipline tu performes... Baseball, peut-être, mettons. Exactement. Mm-hmm. Le respect de ton adversaire, oui, il est là, mais de ne pas écouter ce que les partisans disent. Parce que la foule, c'est sûr qu'elle va embarquer. La foule va insulter, va trouver une manière de déconcentrer. je veux pas banaliser ce qui s'est dit. Il y a des choses qui ne se disent pas. Non, ça c'est clair. Là. Mais c'est normal qu'une foule va encourager son équipe. Ouais, exact. Et pour certains, encourager, ça veut dire déconcentrer l'adversaire. Ouais. Si vous allez un petit peu dans les stades de baseball majeurs, par exemple, derrière le marbre, vous pouvez entendre une ribambelle d'insultes qui vont, surtout pour l'adversaire, là, mais une ribambelle d'insultes. Est-ce qu'ils vont se mettre des bouchons? Non, je ne penserais pas. Non, non mais c'est le principe du cheval qui court dans sa ligne. Ouais, il y a des œillets, ouais. Genre, pour pas voir. Tu sais, concentre-toi, focus. Tu sais que les partisans sont là pour t'insulter. Tu sais que les partisans peuvent dire vraiment n'importe quoi. Ta job, c'est de pas les écouter puis de pousser sur le ballon. Ouais. Justement, parlant de pousser sur le ballon, il y a pas un joueur qui a envoyé le ballon directement dans les estrades par exprès? C'est le gardien de but de l'Université Laval. Mais c'est ça, ce match-là a complètement dégénéré. Et dans cette histoire-là, je pense que l'arbitre a un peu manqué le bateau aussi. Mm-hmm. Quand t'as un match comme ça qui dégénère, essaye, tu sais, contrôle ton match, mon pit, là. Je veux dire. Ah, puis il a fait continuer longtemps. Le match était déjà dégénéré. Le chronomètre était déjà terminé. Ils ont la discrétion d'ajouter du temps, ce que j'ai compris faisant. Non, en tout cas. mais c'est ça, le match a continué beaucoup trop longtemps par après. On voulait laisser une chance aux Patriotes, d'après moi, mais ça a continué, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Le temps qui est ajouté, c'est selon les pénalités qu'il y a eu. Oui, il y a eu quelques accidents. Exactement, même les c'est selon. Exactement, les civières et tout ça, là, c'est. Ce qu'appelle le temps arrêté, là. C'est comme si, mettons, au hockey, il sifflait puis arrêtait le temps, mais au soccer, au lieu d'arrêter le temps, continue. On fait juste l'ajouter à la fin. Puis même sur le temps ajouté, on ajoute du temps parce que s'il arrivait quoi. Mais ça fait que le match a encore plus dégénéré. Mais je trouve. C'est ça. Oui. Puis l'arbitre, au final, puis c'est pas nécessairement en arrêtant le match de manière précoce, parce que là, à ce moment-là, c'est les Patriotes qui auraient chialé en disant, ben, on s'est fait couper notre chance. T'as raison. Mais c'est de punir les joueurs qui font ça ou de prendre les moyens nécessaires. Je veux dire, c'est toi l'arbitre, t'aurais pu donner des cartons rouges à ceux qui ont fait ça. Même selon les règlements, toute l'équipe qui fait ça, ça aurait pu être une disqualification pour l'Université Laval. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, si je me souviens bien, tu peux pas expulser un joueur pour un geste qui est envers la foule. Ah! OK. Ah. Je savais pas ça. Il aurait fallu qu'il, par exemple, le fasse à un autre joueur sur le terrain. À ce moment-là, ça aurait été esprit sportif sur le terrain. Si je me souviens bien, c'est ça. Par contre, ce qui arrive, c'est que par la suite, ça va être le réseau du sport étudiant du Québec qui va devoir sanctionner. Oui, ça ne sera pas une amende de monétaire, parce que ça ne change absolument rien pour l'Université Laval de toute façon. Mais ce qu'on va comprendre, par exemple, le réseau pourrait arriver l'année prochaine et dire bon, ben, l'Université Laval, vous jouez pas trois matchs. Ah, wow, OK. Parce que c'est ça, faut parce dire. Parce que là, ça va leur faire mal au niveau du classement. Ça nuit à l'image. Puis la photo du gars était clairement dans les médias. Mais mettons, on sait c'est qui, on sait son numéro. Ouais. En fait, ce joueur-là, à mon avis, je ne sais pas si sa carrière universitaire est terminée, mais il devrait être suspendu. La fédération Il va probablement être suspendu. Mais la Fédération du soccer du Québec devrait agir, à mon avis, dans cette histoire-là, pas juste le RSEQ. Parce que c'est l'image du soccer au final qui est menacée. Mais déjà que l'Université Laval, en général, en tout cas, je connais rien au sujet, mais déjà donne une mauvaise image à l'Université Laval parce que c'est une maudite gang de fendants prétentieux, baveux, on va se le dire. Mais c'est ce qu'ils ont fait au niveau du soccer, tu sais, par terme d'expérience. Moi, je suis allée participer aux Jeux de la communication. C'est eux qui recevaient les Jeux de la communication. Ils ont fait exactement la même chose. Bon, fait que tu sais, on n'invente rien, hein, on fait juste souligner les faits. Hein. Mais c'est ça, fait que... Je pense qu'il y a quelqu'un quelque part qu'il va falloir qu'il sévisse. Je pense que le RSEQ va devoir sévir contre l'Université Laval et je pense que la Fédération de soccer va devoir sévir contre les joueurs qu'on voit clairement. Parce que ce genre de situation-là est complètement inacceptable, que ce soit une finale, que ce soit n'importe quel sport. Exactement, c'est ça. C'est pire parce que c'est une finale, parce qu'il y a plus de gens qui étaient là. Puis je pense que la foule a plus réagi que dans les matchs de demi-finale où c'était pas mal mort côté ambiance. Je comprends. Qu'il y ait de l'émotion, je comprends qu'on joue avec émotion, qu'on veut gagner. Mais il aurait très bien pu célébrer ce but-là d'une autre façon, en faisant quand même, entre guillemets, là, du mal aux partisans des Patriotes de l'UQTR. Je veux dire, il aurait pu tout simplement célébrer de façon heureuse et ça aurait fait mal pareil. Ben oui. Là, y a plein de manières de célébrer. Et bon, ça a dépassé les bornes. Et comme je dis, je trouve ça dommage parce que c'est une des premières choses qu'on apprend à un jeune, c'est de respecter l'adversaire. Veux, veux pas, la foule fait partie de l'adversaire. C'est là. Il est en territoire hostile dimanche, faut pas le nier. Mais en même temps, c'est respecter l'adversaire et c'est éviter... Je veux dire, les joueurs des Patriotes ont été vraiment bons. Là. Ils auraient pu se venger, ils auraient pu frapper, ils auraient pu Oui, non, les ça les s'est déjà vu en passant. Ah, ouais. Ouais. Ah. Mais non, il était bien fin. Les Patriotes ont juste quitté le terrain alors que Laval sont restés vraiment très, très, très, très, très longtemps sur le terrain à prendre chacun leur photo avec la bannière. C'était absolument ridicule. Ouais. Ça faisait vraiment, vraiment prétentieux. Mais au final, quand tu gagnes un championnat, peu importe ce qui arrive, souvent tu restes sur le terrain, que tu sois à domicile. Regarde, par exemple, les finales de la Coupe Stanley au hockey. L'équipe qui gagne même à l'étranger va quand même rester sur la patinoire pendant une coupe d'heure. Ben, peut-être pas une coupe d'heure, mais quand même assez longtemps, le temps qu'il fasse la célébration, la remise, puis tout ça. Ouais. Ça reste assez longtemps alors que l'équipe locale va être retournée. C'est peut-être pas toujours la meilleure ambiance pour les partisans qui sont sur place, qui voient l'équipe adverse lever la coupe, mais ouais. Au final, c'est ça, tu sais, ça fait partie un peu du sport. C'est t'as gagné, spectacle un peu. T'as le droit de garder quand même... De garder un petit peu de plaisir à savoir rester sur le terrain, prendre tes photos avec la bannière. C'est plus de la manière que ça s'est fait durant le match et le manque de respect. Comme je disais, il y a mauvais perdant, il y a mauvais gagnant. Effectivement. Donc ça, c'était pour les gars. Du côté des filles, ça en est quand même passé des choses. Antisportives aussi, disons-le. Antisportives aussi, on va se le dire. Ben, je sais pas pourquoi Laval est là encore. Ouais, ben... Ouais, c'est encore une fois l'Université Laval, mais je pense que c'est une tendance en 2018 de vouloir refuser quelque chose que tu gagnes. Refuser les médailles. L'équipe adverse... Les Bleus, appelons-les comme ça. Montréal, ouais. Les Carabins. Les Carabins. On refusait les médailles. Au début, même le coach est venu voir la personne qui présentait les prix, Pierre Clermont, ambassadeur de commissaire de je sais pas quoi. J'oublie tout le temps. Mais bref, ils ont dit non, nous autres, on prend pas les médailles. Donnez-les à l'autre équipe, mais nous autres, on n'en veut pas. Mais ils ont insisté chez... l'équipe du RSEQ pour donner les médailles. Et après ça, les filles enlevaient les médailles quand on leur mettait au cou. Mm. Ça, c'était déplaisant aussi. Oui, c'est des choses qui arrivent. Puis comme je l'ai déjà expliqué, je pense ici, je comprends un peu la mentalité de ne pas vouloir cette médaille-là. La médaille d'argent, c'est la médaille qu'on veut le moins dans le sport d'équipe, là, dans un sport d'élimination. Parce que t'es passé si proche. Ben, c'est ça, c'est à cause qu'une médaille de bronze, par exemple, tu la gagnes. T'as gagné le match. La médaille d'argent, c'est... t'as perdu le match. Et dans le fond, tu gagnes pas la médaille d'argent, tu perds l'or. Et je comprends cette mentalité-là. C'est peut-être là qu'il faut rectifier les faits. Pas mal, ouais. Oui, c'est ça. J'ai beau comprendre la mentalité, je suis pas sûr de... C'est comme, est-ce que le verre est à moitié vide ou est-ce que le verre est à moitié plein alors qu'il est exactement au même niveau, on se comprend? Ouais, c'est une question de comment on voit les choses. C'est une question aussi de respect. Comme on le dit au niveau sportif, c'est une fédération qui te remet cette médaille-là. Il y a un prix à cette médaille-là. Et si tu n'acceptes pas ta médaille d'argent, la médaille de bronze, elle aurait aimé ta médaille d'argent. Exactement. Oui, tu sais, respecte ton réseau pour. T'as profonde, t'as vendre. Hey, t'as mettra dans le fond d'une boîte dans ton garde-robe, on s'en fout. Mais là, prends-la. Ça ramène une autre question, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner des prix pour les deuxièmes et troisièmes dans ce genre ben de championnat? Là, c'est autre comme tu viens de le dire, la médaille de bronze, il a veut sa médaille de bronze. Il a gagné. Il est content de se la mettre. Donner la médaille d'argent aux gars qui ont aux personnes qui ont gagné le bronze, donner rien à Hey, sérieux, c'est un match consolation au final. Puis oui, je comprends, mais. Dans ce genre de championnat-là, dans le genre de ligue, est-ce qu'on devrait pas juste gagner le titre à l'équipe qui gagne et... Parce qu'ils participent à la cérémonie quand même, les deuxièmes positions. Mais oui, tout à fait. T'as fini deuxième. Ouais, t'as pas fini 26e, Boswell. C'est bon, deuxième. T'as fini deuxième. Oui. Je veux dire, sinon, là, mets ton ego de côté, retourne-toi chez vous, joue pas. Non, je suis totalement d'accord. La seule question, c'est suite à ce genre d'événement-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de changer les choses pour une équipe ça. Comme celle-là? Non, t'sais? Mais tu sais, c'est parce que c'est pas la seule qui l'a fait non, en 2018, je comprends. C'est une pomme pourrite, comme on dit. Mais c'est que c'est une mentalité pourrite. Ouais. Mais dans le sport, excepté au niveau international, quand tu finis deuxième, t'as rien. Ah oui, pas. Tu la reçois, mais à l'extérieur. Par la malle. Ou, ben, par exemple. Hey, aux Olympiques, hier soir, sa médaille d'argent. Oui, c'est ça que je dis. Excepté au niveau international, l'équipe qui finit deuxième, par exemple, qui perd la Série mondiale au baseball, gagne rien. L'équipe qui perd le Super Bowl, gagne rien. Ils vont gagner un montant par la suite, mais ils gagnent rien sur le coup. Le trophée va au champion, et le deuxième, il n'y a rien. Oui, mais parce que c'est un trophée, c'est pas une médaille. Oui, bien, ça c'est une médaille. Le principe des médailles, c'est trois médailles, alors que le trophée, c'est un trophée. C'est ça. C'est pas un petit trophée pour aller. C'est une coupe. C'est ça. C'est ça. Mais que ce soit un trophée, une médaille, la question, c'est dans des championnats comme ça, dans des ligues, est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner ça ou de le donner sur le terrain? C'est un autre débat pour une autre fois. C'est ça. Mais à ce niveau-là, je pense que si ça fait partie de la tradition, si c'est le processus, tu restes sur le terrain, tu fermes ta puis tu reçois ta médaille. Puis tu l'enlèveras dans le vestiaire, tu l'enlèveras. Mais c'est parce que moi, je trouve que c'est un manque de respect non seulement envers la fédération, mais ces jeunes-là sont au niveau universitaire. Il y a des parents derrière, il y a des enseignants derrière, il y a des coachs derrière. Toi, tu décides de refuser ta médaille. C'est comme si t'envoyais paître tous ceux qui t'ont genre... Ça avait l'air d'être le coach qui voulait pas une médaille au départ. Ouais, mais tu sais... C'est ça qui est bizarre. Il y aura peut-être une sanction à ce niveau-là, je sais pas. Mais je trouve ça tellement anti-sportif. Ouais. Mais c'est ça, mais si tu veux pas cette médaille-là, tu fermes ta bouche, tu la ramasses sur le terrain. T'as donneras à ton petit frère. Tu feras ce que tu veux. Quand il n'y aura plus de caméra, quand il n'y aura plus de témoins, tu feras ce que tu veux avec. T'as démoliras, tu la lanceras dans la poubelle. Fais ce que tu veux. Mais pour la cérémonie, assume. Et après ça, va-t'en. Exact. Ouais. Bon, là, j'ai l'impression qu'on a parlé assez de soccer. J'imagine qu'il y a d'autres sports dans la vie. Hein? Oui, il y a d'autres sports. Je voulais vous parler un petit peu. J'ai parlé du March Madness la semaine passée. Mm-hmm. Encore plusieurs surprises la fin de semaine dernière, alors que... Bon, il y a encore deux numéros 1, même nombre que la semaine passée, mais il y a de quoi d'assez exceptionnel qui se passe encore cette année. C'est Loyola Chicago qui est classé 11e dans les classements, les rangs, là, ce qu'on appelle les seeds en anglais. OK, ouais. Donc, 1 contre 16, nanana. Les noyaux, je pense qu'on appelle en français. Ça. Non, ça serait pas ça. C'est pas ça? Je sais pas s'il y a un terme vraiment... Parce qu'il me semble qu'on parle de noyaux quand on parle de braquettes. Mais c'est pas ça? Non. Je sais pas s'il y a un terme pour ça en français, Tania. Traduction littérale de seed, tu sais, le premier seed, deuxième seed. Je cherche. J'ai jamais. Je l'ai toujours dit en anglais, là. Ouais, ben moi aussi. C'est ça. En tout cas, on va le dire en anglais, le 11e seed. Tête de série. Ouais, voilà, tête de série. Ah, ouais. Ben oui, c'est le bon mot. Donc, la 11e tête de série de la. Pas de la division, mais du sud. Parce qu'ils sont divisés en quatre régions. Donc, la 11e tête de division du Sud a réussi à remporter le Sud contre toute attente et donc sont maintenant dans le Final Four. C'est seulement la 4e fois de l'histoire qu'une 11e tête de série se rend dans le Final Four. Et ça, c'est la plus basse tête de série qui réussit à se rendre. Il n'y a jamais une équipe 12, 13, 14, 15, 16 qui s'est rendue. En fait, c'était la première fois qu'un 16 cette année gagnait le championnat. Et à titre informatif aussi... L'équipe avec la plus basse tête de série à avoir remporté, c'est un 8. Donc, on va peut-être avoir un changement cette année. Là, il y a là Chicago qui est encore là, qui a remporté son match de troisième tour contre Nevada 69-68. Oui, des matchs très serrés. C'est un petit peu plus facile contre Kansas State avec une victoire de 73-62. N'en demeure qu'ils sont rendus dans la demi-finale nationale. Ils vont affronter une équipe qui est troisième tête de série. J'ai dit Michigan. Michigan, les matchs auront lieu le 31 mars, donc samedi, la finale ayant lieu lundi. Je comprends pas un peu cette mentalité-là américaine de faire jouer les finales le lundi soir. Ouais, c'est pas... Mais c'est souvent le cas. Si vous regardez l'US Surtout Open. Basket, ouais. Basket, US Open aussi masculin, ouais. Ça joue lundi. C'est très étrange. Ouais. C'est étrange, mais en même temps, les matchs ont lieu le soir. Donc il y a du monde qui regarde quand même. Donc, Bon, entre le dimanche soir à 20h ou le lundi soir à 20h, il n'y a pas tant de différence. Le monde travaille le lendemain. Ouais. Ouais, c'est peut-être juste une question d'émission au niveau des États-Unis qui gagne plus en popularité que peut-être, ça. Ouais, mais probablement, tu sais, le dimanche soir, il y a probablement plusieurs émissions, Jimmy Fallon Show, puis toutes ces affaires-là. Donc, probablement, pour des raisons de code d'écoute, on fait jouer ça le lundi. De l'autre côté, c'est Villanova contre Kansas, c'est deux habitués du Final Four qui vont être là. Donc, peut-être que Loyola Chicago vont surprendre le monde et vont se rendre en finale. Ça va être à découvrir samedi. C'est toujours un tournoi qui est très très intéressant et j'ai hâte de voir. Et ça m'amenait un petit peu un sujet, surtout avec les éliminatoires qui s'en viennent, autant au basket, au hockey. Il y a plusieurs façons de faire un championnat et ça j'en parlerai la semaine prochaine, mais il y a plusieurs modes de fonctionnement. Tu sais, comment on fait un tournoi élimination? Et je vais en parler plus en détail. Tu sais, comme là, c'est des simples éliminations très, très intéressantes. On sait au hockey, au basket, c'est des simples éliminations, mais à plusieurs matchs, donc en 4 de 7. Et je vais vraiment vous amener plusieurs plusieurs façons de faire. Plusieurs façons, tu sais. Peut-être que vous connaissez les doubles éliminations, faux doubles. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire et on va en parler la semaine prochaine. Génial. Super, ça, un petit avant-goût de la prochaine édition de Sport et Filoché. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Marc-Olivier Dumas, on t'écoute pas à Patrick en action parce qu'on a fait une croix là-dessus. Voilà. Et on te retrouve aussi à Matière Noire les mardis soirs à partir de 21h. Absolument, une fois de temps en temps. Marc-Olivier Dumas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. À toi aussi. On prend une pause au retour. C'est Voix l'Afrique avec Dominique Dumas. Ça sent bien. Oui, restez là. Sondage requis pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. Franklin Electric avec Are We Together Now? Et c'est bon ça! C'est tellement bon! Maintenant, c'est aussi bon, hein? C'est très très bon ça aussi. C'est Voix d'Afrique avec Dominique Not Mavungu. Félix Notmabungo qui est enfin avec nous pour Voix d'Afrique. Salut. Salut Mathieu, salut Tania. Bon matin. Oui, ça va et vous? Ben oui. Beau petit matin ensoleillé comme ça, hein? On aime ça. Oui, on aime ça. Pas aussi ensoleillé, j'imagine, qu'en Afrique. Non, la plupart du temps, c'est pas mal ensoleillé. Oui, la plupart du temps, presque tout le temps, je dirais. Mais est-ce qu'il y a des bulletins météo? Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, le soleil. Oh, il y en a. Il y en a. Bon, généralement, en fait, vu que là-bas, c'est pas comme quatre saisons, c'est plus ou moins, genre, saison 16, saison pluvieuse. Et puis, bon, la plupart du temps, c'est la grande saison, la petite saison. Ah, OK. Ah, oui, petite saison et grande saison. Ouais, ça. Parce qu'il y en a une qui est moins présente que l'autre. Oui, exactement, en fait. Et genre, bon, à peu près chaque pays a un climat qui est adapté, qui est propre à lui-même. Mais généralement, ça tourne pas mal autour de ça, en fait, des quatre saisons. Généralement les deux grandes saisons pluvieuses et sèches, et puis à l'intérieur des deux grandes saisons, il y a la petite saison des pluies, grande saison des pluies, et puis petite saison sèche et puis grande saison. Intéressant, tu vois, c'est pour ça que je dis des affaires de même. Je dis des choses qui se tiennent pas pour pouvoir avoir des explications qui se tiennent, et je les ai. Merci. on parle de plein de choses comme d'habitude. De quoi est-ce qu'on parle cette semaine? Ouais, aujourd'hui on va commencer par parler déjà de balades culinaires. De balade culinaire. C'est ça, exactement. Prendre une petite promenade alimentaire, c'est ça que ça veut dire? Ouais, exactement. Okay. Donc, ça aura lieu justement ici au CIPP, du côté de l'UQTR. Et c'est un événement qui est organisé par l'association des Camerounais de Trois-Rivières. Okay. Et en fait, dans le fond, c'est comme tu payes un ticket et puis tu as le droit de pouvoir prendre un repas, en fait. Donc, je pense que chaque ticket donne droit à un repas. Donc, en fait, pour le repas de ton choix, en fait, ce que tu veux peut-être goûter et tout, donc tu prends le ticket pour ça. Comme une sélection de... Ouais, de différents mets là-bas. Et puis, ben, en fait, là, cette fois-ci, c'est organisé par l'association camerounaise, mais en tout cas, les années antérieures, j'ai assisté à d'autres balades culinaires de ce style-là. Moi, je me souviens qu'il y en avait où c'était plusieurs pays africains, peut-être juste africains. Je pense qu'il y en avait de partout dans le monde, si je me rappelle bien. Je me rappelle pas du nom de cet événement-là. Ben c'est ça, en fait, justement, c'est le nom, c'est balade culinaire, en fait. Et donc, moi, je trouve que c'est un bon concept, en fait. Ça permet aussi aux personnes de pouvoir, qui ne consomment pas forcément de la nourriture africaine, en fait, de pouvoir juste essayer, justement, se balader de manière gustative et puis voir si ils apprécient un peu les différents goûts des autres cultures, en fait. Donc, moi, je pense que c'est pas plus mal de pouvoir aussi goûter. Absolument. Tu nous avais déjà parlé un petit peu de comment c'était la nourriture en général, mettons, là-bas. Ouais, bon, en fait, bah après, vu que c'est vraiment au niveau de chaque pays, donc le goût même, il est différent, en fait, parce que chaque pays a sa manière de préparer, en fait. Chaque pays a sa manière de il y a certaines qui sont plus épicées que d'autres, il y a d'autres, eux, ils mangent plus gras, d'autres moins gras. Donc c'est vraiment, chacun a sa cuisine, en fait. Et puis il y a aussi des certaines similitudes au niveau des plats qui sont préparés. Parce que des fois ça peut... en fait, par exemple, je prends l'exemple de la banane plantain. Oui. Donc en fait, il y a au niveau, par exemple, en Côte d'Ivoire, eux ils découpent la banane plantain en dés. C'est eux appellent ça de la loco. Quand il y a d'autres personnes, il y a d'autres cultures, par exemple comme au Cameroun, bien plus en Afrique centrale, eux ils ne découpent pas ça en dés. C'est vraiment plus au niveau de eux découpent ça en tranches, en fait. Oui. Et les découpes en tranches, donc les tranches elles sont beaucoup plus épaisses, mais ça reste que... C'est une question de goût, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est une question de goût ordinaire, et puis donc moi je trouve que c'est quelque chose qui est... Ben, c'est important, en fait, de pouvoir varier aussi, et puis d'avoir l'opportunité de pouvoir goûter autre chose. Et puis on espère que les personnes aussi auront l'opportunité d'y être. Moi je sais pas si j'irai. Si, parce que là, je ne sais pas si je suis en train de travailler ou pas, mais dans le cas où j'ai la possibilité de... J'ai pu me libérer avant, c'est sûr que j'essaierai de faire un tour, au pire, prendre aussi... Doggy bag pour apporter. Hey, on rappelle que c'est au CIPP, ça se passe quand déjà? Ça se passe demain. Demain, le 28. Parfait, 28 mars. Ouais, donc pour les personnes qui seront dans la zone, allez-y faire un tour, ça va faire plaisir aux organisateurs. Ouais. Et le CIPP, c'est en bas de la côte des résidences. Si ouais, exactement. Parfait. Exactement, c'est par là. Donc pour les personnes qui souhaitent faire un tour, donc je leur souhaite d'aller, de déguster ça et puis de de nous dire, de nous faire un retour sur, sur ce qu'ils auront pensé en fait. Super, donc la balade culinaire. La balade culinaire. Donc ça c'était un mot pour, au niveau de la cuisine. Et ensuite aussi, on va parler un peu de BD, de bande dessinée. Oui, ton nouveau sujet de prédilection, je dirais, t'en parles plus qu'avant. Ouais, plus qu'avant, plus qu'avant, mais c'est parce qu'il y a aussi plus d'actualité aussi qu'avant. Et donc, au niveau déjà de la Tunisie, donc il y a une BD qui s'appelle 100% Bled, et c'est une BD qui rit un peu des paradoxes arabes, en fait. OK. OK. Donc, ça, en fait, c'est un peu une BD du style un peu second degré. Je sais pas si tu vois, bon, qui parle un peu, se moque un peu légèrement, pas se moque, mais parle un peu au niveau du voile, aborde des sujets un peu comme le voile ou un peu le mariage, bon, pas forcé, mais c'est, ils font un peu des blagues là-dessus. Ouais. C'est un second degré et tout. Et puis le code de la route, de la société arabe, le mariage, le travail, le sport, donc tout. Passer un message un petit peu en riant. En riant, en fait. Donc vraiment, tous les sujets, ils passent là-dessus, en fait. Et. En tout cas, l'auteur de cette BD s'appelle Salim Zerouki, donc c'est un Tunisien aussi. Et voilà, lui, il a trouvé que c'était un bon moyen aussi de pouvoir distraire les personnes et puis de faire aussi connaître sa culture, mine de rien. Parce que c'est souvent les stéréotypes, c'est vrai que c'est un peu dans le sens de l'humour, mais il y a aussi une part de vérité là-dedans aussi. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, donc c'est pour aussi permettre aussi... moi, je trouve que ça fait... développer la culture. Les personnes aussi peuvent un peu connaître la culture arabe et tout, et puis bon, tout en restant un peu dans le sens de l'humour, en fait. Pas que parce que généralement ça dépend, c'est présenté un peu dépendamment de comment c'est présenté. Avec l'humour, ça passe toujours mieux, je trouve. C'est sûr. Ça, en riant un ceux peu. Ceux qui sont capables de prendre l'humour. Mais oui. Ouais, évidemment, ah. Évidemment. Après, exactement, faut être capable de pouvoir. Il y a beaucoup de gens au premier degré dans la vie. Ouais. Beaucoup de gens qui ne vont pas au-delà de ça. Ouais, c'est par qui déjà cette œuvre-là? C'est par Salim Zerouki. À ne pas confondre avec le classique de Disney, Rock Zerouki. En effet. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, je vous rassure. Mais ouais, quoi que Rock Zerouki, c'est pas mal. Moi, ouais, c'est pas mauvais, c'est un classique de Disney. Il n'y a pas encore la version africaine. Non, des chiens africains? De Rock Zerouki. Est-ce que je te pose la question de comment sont les chiens en Afrique? C'est mais, des chiens, hein? Mais c'est des chiens, je pense pas qu'il y a pas... Bon, à mon sens, à ma connaissance, je pense pas qu'il y ait des races propres au continent. Ouais, ben, que je connais, hein, peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a, mais bon, j'ai pas... peut-être des chiens du désert ou pas, je sais pas. Ouais. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir déjà entendu ça quelque part et tout, mais... Ça, peut-être, c'est peut-être s'il y a des vétérinaires qui sont peut-être... Si vous savez, appelez-nous. Voilà, c'est ça. Appelez-nous pour nous faire part de vos découvertes au niveau des races canines africaines. Mais sinon, nous, on va continuer. On va continuer et puis parler un peu de personnes, de profils Instagram et de différentes personnes. Donc, on va déjà commencer par Jennifer Batou. Qui est une athlète. Est-ce que tu es en train de dire qu'elle est en train de s'en venir en studio? C'est ça que tu veux me dire? Donc, Jennifer Batou, oui? Qui est une athlète africaine, principalement congolaise, qui fait du lancer de marteau. Ouais. Et elle représente le Congo généralement dans toutes les activités et tout. Et puis moi je l'ai connue en fait sur Instagram et j'ai commencé à regarder un peu ses vidéos et tout. Et j'ai vraiment adoré ça. Et puis je trouve que c'est pas un sport qui est tant représenté au Congo. Et donc voilà, le fait qu'il y ait une athlète comme ça qui aussi porte un peu les couleurs un peu du pays, moi je pense que ça fait toujours plaisir en fait. Et voilà, on lui souhaite aussi bonne continuation. Absolument. Et puis parce que déjà le marteau ça demande quand même un peu de force. Ah oui. Quand je regarde les vidéos d'entraînement, on sait que voilà, elle s'entraîne très dur et puis elle a gagné aussi certaines médailles. Et donc elle s'appelle, donc c'est Jennifer Batou en fait. Donc Batou c'est B-A-T-U. Donc pour les personnes qui veulent connaître un peu l'athlète, connaître un peu sa biographie. Donc elle a déjà le site internet, c'est exactement ça, jenniferbatou.com. Et elle travaille d'arrache-clou, je veux dire d'arrache-pied. Donc, en tout cas. Donc, on a aussi, oui. Voilà. J'entends dire qu'on a un invité pour ce segment-ci. C'est ça. Ben oui, j'ai entendu dire ça, moi aussi. Ah, ça se pourrait. Donc, on va revenir là-dessus. On y revient plus tard? Oui, on y revient. Je pense qu'on t'est rendu là. Moi, je suis pressé. Ben ouais, je vois ça. Je vois un invité, je veux lui parler, tu sais. Mais non, mais on va juste... passer avant ça, en fait, juste parler un peu de Ariel Kwaku quand même. Oui, c'est, oui, ben, c'est sûr que c'est oui. Voilà, ben, oui. Proche de nous, hein, quand même. Si, voilà, qui est un garçon qui a disparu à Montréal, donc ça fait deux semaines. Mm-hmm. Aujourd'hui, ben, en fait, hier, ça faisait deux semaines, donc il est pas, on l'a toujours pas retrouvé. Donc malgré les récompenses aussi que la famille a proposées, les sommes qu'on a voulu ben, pour les personnes qui l'auraient vu, bien qui seraient. Ouais, d'habitude, ça fait avancer les choses. Ça fait avancer les choses, mm-hmm. mais là, malgré quand même, c'était quand même des sommes conséquentes. C'était de 10 000, après, c'est passé à 15 000. Là, je sais pas si. On est rendu à 100 000. 100 000! Okay. Dollars, ok. Si ça fonctionne pas, c'est parce qu'il est introuvable, non? Mm-hmm. Okay. Donc, bon. Donc, je sais pas. Bon, là, on est en tout notre soutien aussi à la famille. Ben hein. Oui, c'est sûr. Donc, ça doit pas être, ça doit vraiment pas être facile. Donc, je sais pas s'ils vont pouvoir le retrouver. Bon, là, plus les jours passent, c'est sûr que les chances aussi s'amenuisent. Mais en tout cas, du courage à eux. Et puis. C'est ça. Donc nous, on va pas quand même terminer sur cette note-là. Ben non, ok. Mais c'est pour voilà. Ça que je voulais pas finir avec ça. Je comprends maintenant. Ouais. Je comprends. C'est ça. Donc voilà. Donc on a un invité avec nous ici. Oh oui. Donc on va peut-être le laisser se présenter d'abord. Après, je vais revenir dessus. Bon, salut tout le monde. Merci de me recevoir. Ben, c'est un plaisir. Là. Ouais, merci d'être là. Moi, c'est la première fois de radio, donc mais on voulait pas. J'ai le track un peu. On voilà. Est vraiment sympathique. Si je balbutie ici, c'est le track. En fait, je me présente, moi je me nomme Emmanuel Tony, je suis designer à la compagnie Unlike Dino Norms, c'est une compagnie de Montréal. Nous sommes quatre à avoir fondé la compagnie, d'origines diverses, haïtiens, africains, et nous venons, on avons grandi dans les quartiers défavorisés de Saint-Michel, Montréal-Nord et tout ça. Et très tôt, on était toujours passionnés par les vêtements, par... les souliers et tout mm-hmm. ça. Pour faire court, en fait, l'histoire, c'est tout simplement l'idée est partie d'une petite injustice, tout simplement, parce que vous savez un peu la folie furieuse qui s'empare des jeunes lorsque les magasins annoncent qu'il y a des vêtements, des souliers en solde. Ouais, ouais. Oui. Et ils sont limités, en plus. Ouais. Donc les gens font, à Montréal, je sais pas comment c'est à Trois-Rivières, mais les gens font la file, ils dorment, ouais. Là, ils vont des jours, ils dorment. Et comme, ça leur tente. Moi, je pense que c'est un petit clin d'œil, un petit départ de vers la rue, tout ça. Bref. Et c'est ce qui s'est passé en fait, on était comme ces gens-là, on était pitoyables. Quand vous savez, au moins on s'assure. Ouais, non, mais on est quasiment comme des itinérants dans le fond, ouais. Mais sauf que eux ils l'ont pas choisi, nous on le choisit. C'est pitoyable. Ouais. Donc on est allé, puis on a fait la file, on est resté là la veille jusqu'au lendemain. Tout ça, finalement, on rentre dans le magasin. Je n'aimerai pas le magasin parce qu'on a été en justice contre eux. Ah, pas vrai. Ouais, donc on va taire ça. On est rentré, puis la gérante du magasin nous dit, lorsqu'elle nous voit arriver, elle nous dit, ah non, il n'y a plus de souliers pour vous. Là, on était comme... Oh, le pour vous avait une petite connotation. Connotation visant la couleur de peau, visant peut-être l'individu que nous étions, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça visait, mais elle l'a dit, on n'a plus de vêtements, on n'a plus de souliers pour vous, en fait. Et là, c'est vite. Mais il y en avait, c'est en fait. Ah, oui, c'est le super. Et on voyait d'autres personnes qui en achetaient, on m'a dit, mais ouais, ceux-là, c'est qui, pourquoi ils en achètent, en fait. Ils sont tous réservés. Ils disaient non, justement. Elle a dit, ouais, ils sont réservés, mais alors là, on le dit, mais c'est de la fausse publicité que vous faites, en fait. Pas mal. Donc là, on va vous poursuivre. Et c'est justement de ça qu'en fait, Unlike General Norms, c'était tout simplement briser les normes, briser ouais. le dogme que ouais, les souliers de luxe ou d'une certaine gamme, autant pour moi, sont destinés ou spécifiques à un certain type de personne. Mmh. Ouais. Donc c'est ironique parce que nous venons de. On vient des quartiers défavorisés et des jeunes quartiers défavorisés de Saint-Michel, Montréal-Nord se retrouvent à faire des souliers de luxe. Mais donc oui. C'est ça le flip. C'est ça c'est le. Bien, ouais, et c'est comme ça parce que on fait des souliers et des vêtements. Okay. Et nos souliers sont faits en Italie par les mêmes manufacturiers que le Gucci et Louis Vuitton. C'est du vrai cuir. C'est du vrai cuir, exactement. Parce qu'on sait que les gens aiment l'italien. Bon, il y a aussi le Portugal et l'Espagne qui font des excellent souliers, si vous avez mm-hmm. l'occasion d'y aller, allez-y, c'est vraiment génial et tout. Mais vraiment, dans le milieu de la mode, l'Italie est vraiment reconnue comme une plaque incontournable du milieu mm-hmm. de souliers et mm-hmm. tout ça. Donc, ce qui est là, c'est que nos souliers sont faits là-bas, puis un clin d'œil à cette gérante-là qui nous a donné ce souliers-là. Ouais. Merci madame. Merci madame. Exactement. Sans elle, on n'aurait peut-être pas eu l'idée, on n'aurait pas eu la rage, la rancœur assez nécessaire pour partir ce projet-là. Donc voilà. Et on l'a quand même plumé de quelques dollars, donc ça va. Personnellement ou la compagnie qui l'a sûrement fait payer ça très cher. Oui, oui, clairement, voilà. Elle a plus de job depuis. Elle doit sûrement se mordre les doigts. Voilà. Et t'allais faire des choses comme ça ailleurs. C'est ça, t'allais vendre tout cela. Ouais. Ça se trouve, nos souliers seront vendus dans tout ce magasin-là. Ce serait l'ironie de la chose. Moi, je la revendrais. Vous vous rappelez de moi? Non, hein, ben on est la personne qui vous a mis à la base. Et son commentaire va être non, je me rappelle pas, vous êtes toutes pareilles. C'est comme ça, ouais. Clairement. Donc, c'est en tout cas, ouais, moi je l'ai connu en fait ici à Trois-Rivières, ouais. Justement, lors d'un défilé. C'est pas le Stellor du gala. Festi Noël. Festi Noël, voilà. C'est une organisation en fait. Qui est bon, en fait, le festival c'est un événement, mais qui est organisé par une association camerounaise en fait. Et donc là, lui, il avait présenté ses vêtements là. Et il avait fait un petit défilé, peut-être un runway. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis ouais, je me suis dit que j'allais l'inviter ici à voir d'Afrique pour qu'on voit. Pour qu'on puisse aussi l'entendre et tout. Je pense que c'est une voix aussi d'Afrique quand même. Exactement. Et pour nous parler un peu de sa marque, Unlight General Norms. Donc, UGN, pour ceux qui veulent chercher facilement. Oui, c'est ça, oui. Pour en acronyme, voilà. Pour ceux qui veulent chercher voilà, facilement. Et puis, je pense que l'Instagram de la marque aussi, c'est bien ça. Hein. Ouais, on se procure vos produits sur... Sur notre page Instagram, okay. Page Facebook et tout. Les souliers vont... Le lancement, ce qu'il faut savoir, c'est que la compagnie est en pré-lancement. Mmh. C'est la raison pour laquelle j'ai connu justement mon gars ici. On faisait la tournée dans à peu près dans toutes les écoles possibles. Donc, on a fait Université de Montréal, on a fait John Abbott, et dans mon petit... Quasiment tous les sites de Montréal. Puis, on a fait Trois-Rivières. Mmh. Et c'est là justement que je l'ai connu et tout ça. Puis comme ce qu'il faut savoir, c'est que le lancement se passe cette année. Ouais. Donc ça va être une grosse grosse année pour nous. Ça se passe cette année, donc ça va être la fête. Et il y aura des belles surprises pour toutes nos Unlikey, la collectivité. C'est ça. Ouais, en fait, il y a une communauté Unlike, on les appelle la communauté Unlikey. Donc ceux qui nous supportent, ils font partie de la communauté Unlikey. Donc ouais, ce sera ça. C'est très fort. J'adore ça. Ouais. Peut-être que les gens vont camper un jour sur la barre de vos boutiques. On le souhaite. Ouais, on espère. En fait, le but, c'est pas vraiment de... on veut donner, par là, souvent, moi, je suis vraiment porté sur la jeunesse et l'initiative. Parce que très souvent, l'erreur que les parents font, c'est genre, va à l'école, t'auras un bon diplôme, t'auras une meilleure vie et peut-être une job, tu vois. Mais moi, j'aimerais dire à ces jeunes-là que si c'est pas ton trip, par exemple, t'asseoir sur le banc de l'école, je favorise l'éducation, je suis pour l'éducation. Oui, c'est ça. Mais c'est pas pour tout le monde. Exactement. Donc moi, je veux dire, si t'as un talent artistique, mais le brime pas, ne le cache pas. Au contraire, expose-le parce que c'est un diamant brut que tu possèdes, puis le fait de l'exposer, puis il va devenir une pierre précieuse tout simplement. Donc moi, c'est ce que c'est même le message que je martelais au Festi Noël, que je disais que j'incitais tous ceux, celles qui étaient dans la salle, qui en me voyant disaient mince, comment il a réussi, mince, ça me donne le goût d'y aller et tout. Ben je dis c'est possible, vas-y, wake up, puis juste travaille un peu plus fort, mais travaille fort un peu pour pouvoir après enjoy de ton succès, pouvoir savourer les fruits. Après l'effort vient le réconfort, comme on dit. Voilà. Ah ouais. Donc, Don't stop believing. Donc on lui souhaite de ne pas stopper justement. Exactement. Et puis voilà, de continuer avec Unlight General Norms et. Donc c'est ça. Hein. Génial, Caroline. Merci pour l'invitation. C'était notre invité de Monsieur Emmanuel Toy de Unlight General Norms. Bon choix. Là, si on veut trouver la page sur Facebook ou Instagram, on tape UGN. UGN, en fait, tape juste l'acronyme UGN, puis hop, vous allez le trouver sans problème, franchement. Stressez pas avec ça. Mais non, c'est ça. J'ai pas l'occasion de vous demander vos noms, mais en tout cas, j'aimerais remercier particulièrement Dominique pour l'interview, puis Paul Côté, que je connais personnellement aussi. À la caméra, Tania Baudin et Mathieu Plante. Tania Baudin, Mathieu, merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité que nous offrez. Voilà, donc Dominique, il nous restait seulement un extrait musical, si je comprends bien. C'est ça, un extrait musical, donc c'est MDA. MDA. MDA, la moula. On écoute ça tout de suite. Et on se retrouve la semaine prochaine, Dominique. C'est ça, exactement. Merci, mardi, à partir de 8h30. Aïe! Encore une frappe, c'est de l'affrontable. Je vois que t'es pas prêt pour le combat. Ça vient d'Afrique, car je présente ma Côte d'Ivoire, ma Ligue, c'est que la moula. Un pour tous, tous pour un, on reste tous unis malgré toutes nos larmes. Abidjan c'est la moula, Lomé, Bamako, Dakar c'est la moule. Big up aux loujas qui me portent dans leur cœur. Grâce à vous désormais je ne compte plus d'heure. L'odeur du dos, l'odeur corpo. Passe-moi le bédoc, le fume zépo. La cougar me suit, un panamo. Je dis ben dis donc que c'est faux. À part ça, ça passe, ça chante, ça rit, ça boit. Et puis ça sauve et ça tire. Hey! Ça fume de la moula. Mais qui fume la moula t'as toussé. Mais qui fume la moule. Ça fume de la moula. Mais qui fume la moula t'as toussé. Mais qui fume la moule. Ça passe, ça chante, ça rit, ça boit. Et puis après on dit que ça capote. Jacques Désiré Adja est là, oui, et maintenant ça t'étonne. La cougar veut mon numéro, oui, hein, t'es jaloux. Le DJ a jeté mon nom dans la chanson maintenant, hein, ça t'étonne. Abidjan à Washington, et lui ça ne parle que de moula. Abidjan à America, et lui ça ne parle que de moulé. Abidjan Canada c'est pareil, Djibouti Toronto c'est la même. Petit Chenyata, ça fume de la moula. Mais qui fume la moula t'a toussé. Mais qui fume la moulé, ça fume de la moula. Mais qui fume la moula t'a toussé. Mais qui fume la moulé. Ça fume, ça fume de la moula t'a douce. Ça fume de la moula t'a douce. Ça fume de la moula. Ça fume. Je dis ça fume de la moula. Y'a pas gars de goût tatoué. Y'a pas tatoué. Brigade. C'est qui check ça? NDC H. Dani Sente, monte le son, tu vas te régaler. Toujours imité mais jamais égalé. De Montréal à Terre Salée, t'amuses pas avec ce qui peut t'avaler. On le fait pour la daronne, deux fois diplômé comme Chami le patron. Dans la tête ça tombe pas rond. Tu me critiques, il t'a donné la parole. Petit Annie très mauvais. Écoute mes sons, tu comprendras. De la tête jusqu'aux orteils. Praticienne et tu nous cherches, tu vas prendre. Je suis J-Ren dans le game, t'es grillin. Tu cherches à nous faire face, à jouer bidé. T'as pensé que t'étais le meilleur, t'as joué bidé. T'as joué bidé. Dans mon pays y'a rien, t'as joué bidé, maman. Tu as fait la guerre à tout le monde aujourd'hui. Tu dis que tu veux le brassard. Je me bats contre mon égo. Essayez de voir même. Petit t'es pas mon égal. Je touche pas la coke, la blanche, la poudre. Tu me vois en Eskeli. Ni sucré, ni salé. Sous-estimé et fort comme ça là. Retourne pas la veste même quand c'est sale. Le lion ne mangera jamais de salade. T'as pensé que t'étais le meilleur. T'as joué bidé. Dans mon pays y'a rien, t'as joué bidé. Draguer la goëlle a refusé. Billy avec la pièce Niche, on l'avait entendu la semaine passée dans Voix d'Afrique, mais bon, on avait du temps, donc pourquoi ne pas la rejouer, Billy avec Niche. Et avant ça, on a entendu la pièce de cette semaine proposée par Dominique Notmavungu, c'était MDA avec La Moula. Mm-hmm. Ouais. Dans quelques instants, on revient. Plus tard, on va avoir Jimmy Thibodeau avec sa chronique Gauche à Bévue, mais avant ça, on va se partager nos petits coups de cœur du moment. Définitivement. Dans Tu manges mon cœur. À sondage le qui toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. À C'était Itou Broussé avec The Light. Je pensais que j'en abusais de cette chanson-là, mais Tania, tu me dis que ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas joué. Ben oui, exactement. je sais pas où tu croyais que t'en avais abusé, là, mais... Je l'aime beaucoup, fait que je l'écoute tout le temps. Pas du tout. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Rocky. Dans une quinzaine de minutes environ, ce sera la collègue de Jimmy Thibodeau. Jimmy. Qui est-ce qui dit Jimmy? Jimmy Chiboulou! Jimmy! Avec un gauche bien vu, mais avant ça, on se partage nos coups de cœur dans Tu manges mon cœur. Mon cœur, oui, la chronique où on partage nos coups de cœur en tant que co-animateur. On le fait pas tellement souvent parce qu'on a beaucoup, beaucoup de chroniqueurs et beaucoup de sujets à couvrir. Mais là, on a un petit lousse, donc Tania, je te laisse commencer. Si tu veux, on a chacun trois. Oui, définitivement. Eh bien, merci. C'est ton mot du jour, ça. Oui, c'est vrai. Hein? Définitivement. Je m'en ai répondre définitivement. Bon, dans les derniers temps, il y a des projets qui rentrent en ligne de compte dans ma vie, dont un déménagement. Oui. Ça moi fait aussi. Que, ça fait que ma vie tourne autour de la décoration et du budget. Donc aujourd'hui, mes « Tu manges mon cœur » ont tous rapport à soit la décoration ou encore le budget. Et ce que je veux vous parler en premier lieu, c'est l'application Home Styler. Mmh. C'est le fun parce qu'en fait, tu peux soit prendre une photo de ton téléphone, donc une pièce de ton téléphone que tu vas pouvoir recréer de façon 3D et jouer un peu avec le design à l'intérieur. Ah, c'est bon, ça. Sinon, tu peux y aller avec de l'inspiration et regarder leur propre choix. Donc, tu pourrais avoir vraiment l'image de ta pièce à toi, mais avec leur look qu'ils ont décidé de donner, puis là, t'inspirer de ça pour faire ton décor chez toi. Exactement. Sinon, tu peux choisir leur pièce à eux, c'est-à-dire une pièce qui va sensiblement ressembler à ton prochain appartement, par exemple. Et là, tu vas toi-même l'aménager selon les dimensions que tu veux. Et encore une fois, ça va être 3D. Donc, c'est vraiment cool parce que ça te donne une bonne idée quand même de ce que tu pourrais intégrer dans ta future pièce, dans ton futur appartement. Et évidemment, c'est pas la seule application de home styling, en ce moment, il y en a des de décoration que vous pouvez trouver. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de trouver quelque chose qui pouvait ressembler à un appartement et non pas à une maison. Et ce qui est fun avec Home Styler, c'est que vous avez plusieurs pièces différentes. Donc, vous pouvez choisir la cuisine, vous pouvez choisir la salle de bain, vous pouvez choisir le salon, mais y aller avec des pièces vraiment différentes et distinctes. Et par la suite, vous allez tout simplement vous amuser à savoir quelle couleur vous aimeriez avoir sur les murs. Et vous pouvez aussi intégrer un budget, vous donner un budget, donc d'y aller peut-être avec, avec des prix IKEA ou peu importe. Et là, vous allez savoir combien réaménager votre pièce ou réaménager votre appartement pourrait vous coûter dans un budget. Et savais-tu qu'il y a une application d'IKEA qui est sortie récemment pour les plus récents téléphones qui ont la réalité augmentée dedans? Non, je savais pas. Que tu peux, mettons, popper le meuble que tu veux dans ton vrai appartement, dans ta vie, comme dans ton téléphone. Tu regardes, là, t'as la caméra, puis tu vois ta pièce avec le meuble dedans, puis quand tu bouges, ton meuble reste à la même place. Fait que là, ton Android, je sais pas si ça marche. Fait que là, ça va te coûter cher. Sachez que Home Styler, c'est disponible pour Apple, mais aussi pour Android. Ah. Donc, vous pouvez aller chercher sur Google Play, parce que c'est ce que j'ai fait. Et si vous avez un iPhone 5, peut-être que l'écran va être petit, sachez-le. Oui, par contre, LG, c'est sensiblement quand même assez grand comme écran. Même chose pour ton iPhone 10. Oui. Vous allez vraiment avoir une belle vue de ce que votre appartement ou encore votre maison pourrait donner. Des heures et des heures de plaisir, parce que vous pouvez faire des projets à n'en plus finir. Mm-hmm. Et si jamais... Et sauvegarder. Oui, tout à fait, sauvegarder. Okay. Et si vous êtes du style à vous poser la question, est-ce que je voudrais aller dans ce domaine-là pour, par exemple, y travailler, eh bien, sachez que vous pouvez vous connecter avec un compte professionnel aussi. Donc, ça va vous aider à pouvoir créer des pages de portfolio aussi. Vous allez pouvoir garder ça avec vous. Il y a des designers qui ont déjà du style et l'expertise peut-être que vous avez besoin. Donc, il y a des gens qui sont reliés à cette application-là qui vont pouvoir vous donner un coup de main et répondre à vos produits spécifiques, oui, et à vos besoins dans tout ça. C'est génial, Tania. Puis ça aussi, c'est de la réalité augmentée. Oui. Donc, c'est dans le même genre que l'IKEA. Fait que si ça marche avec ton téléphone, sûrement que l'application IKEA va aussi fonctionner. Je dis ça comme ça. C'est vraiment merveilleux. Comme je le disais, des heures et des heures de plaisir. Mais croyez-moi. Merci pour cette suggestion-là. Je vais en prendre compte pas mal. On va rester dans les applications tant qu'à être là. Moi, je vous parle de Readism pour savoir combien de temps ça va vous prendre pour lire un article. Tu sais, des fois, vous trouvez un article sur Internet. Bon, vous regardez la salaire parlons un petit peu. Ben oui, les hommes vont te donner un petit approximatif de combien de temps ça va te prendre pour lire l'article. Tu sais, c'est ce que Pocket fait déjà, Instapaper fait déjà, les applications où tu peux sauvegarder les articles pour la lecture plus tard. J'aime beaucoup, beaucoup ça. On a déjà parlé de ça à l'émission. Mais ici, c'est pour les articles qui ne sont pas sur votre Instapaper ou Pocket. À la place de tout le temps le mettre dans l'Instapaper et aller le lire par là pour savoir combien de temps ça va vous prendre à lire, ben l'application, l'extension en fait pour Google Chrome l'affiche dans le coin de l'écran. Donc une fois que l'article est trouvé, donc que l'extension découvre, comprend que c'est un article, il va apparaître une petite fenêtre noire, vraiment minimaliste dans le coin, qui va dire bon, l'article va prendre 4 minutes à lire environ. Et là, tu peux faire disparaître le message quand tu veux, tu peux le faire rester à l'écran, t'as plein d'options comme ça, est-ce qu'il va apparaître quand tu scrolles vers le bas, bon. Donc, tu as plein d'options pour ça. Et c'est des temps de lecture selon la moyenne des lecteurs. Donc, ça devrait être assez, pas exact, mais au moins approximativement proche. Et c'est un scan intelligent de la page. Ça peut le faire avec pas mal n'importe quel contenu. Très facile à utiliser. C'est vraiment parfait pour moi, je trouve. Design élégant, ça prend pas de place. Readism, c'est sur readism.io, readism.io. Sinon, directement dans le magasin d'extensions de Google Chrome. Voilà, Readism. Pas pire. À ton tour, Tania. Oui, ben moi, par la suite, c'est un site Internet, mais encore une fois, relié à la décoration. Je suis désolée, je vous l'ai dit, ça allait être par rapport à ça aujourd'hui. Par contre, c'est un site Internet français, mais ce qui est le fun, c'est que ce sont tous des articles sur le décor de maison, mais le décor d'appartement aussi. Ah, ouais. Et c'est ça qui est le fun, parce que souvent, la difficulté, c'est que si on va dans un appartement, les pièces ne sont pas nécessairement immenses. Et là, du côté décoration, on veut pas que ça soit beaucoup... ça soit trop plein. On veut pas que ça soit trop épuré non plus. Donc, de ce côté-là, le site Internet, ça s'appelle côté-maison.fr. Allez faire un tour. Vous pouvez vous connecter. Vous pouvez prendre rendez-vous, par exemple, par Internet, avoir une discussion avec certains d'entre eux. Et vous allez pouvoir même aménager une terrasse si votre appartement a une terrasse. Ah, c'est ce donc que tu c'est cherches, vraiment hein? Bien. Oui, exactement. Non, mais j'ai déjà aménagé ma terrasse, mais bon, ah! Peu importe. Elle n'a pas de terrasse, mais elle a déjà j'ai aménagé. Pas de terrasse. J'avais un balcon, mais je l'avais aménagé, mais bon, peu importe. Donc, considérant le fait que les déménagements s'en viennent, ça va vraiment vous donner des idées. Ça peut vous donner aussi des idées de couleurs. Et encore, comme tu l'as dit, Mathieu, je pense que l'application d'IKEA, pour certains, c'est le fun, mais pour certains, c'est redondant aussi, parce qu'on sait un peu tous ce qu'il y a chez IKEA. Oui, c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire. Oui, c'est une bonne affaire, mais on sait un peu tous aussi le côté design de IKEA, donc dans quel style ils vont, parce que ça se ressemble quand même assez souvent. Et si jamais vous voulez aller chercher quelque chose d'un peu différent, côté maison, c'est excellent pour ça. Côté-maison.fr. Exactement. Parlant d'apparence et de choses qui sont belles, tiens, moi, je parle d'une collection d'affiches de films vintage. Tu sais, dans le temps, les affiches de films, c'était pas mal plus cool que maintenant, là, où c'est pas mal tout le temps les faces des acteurs en gros plan, puis un paquet de cossins partout pour attirer ton regard en cinéma. Ça m'énerve, les nouveaux posters de films, c'est pas intéressant du tout. Mais les vieux, c'est le fun. Hein? Donc, maintenant, c'est le Harry Ransom Center de l'Université du Texas à Austin qui est en train de numériser, de mettre en ligne leur collection de plus de 10 000 affiches de films vintage depuis des décennies, du début de l'industrie du cinéma, avec des numéros de vaudeville dans les années 20, les cinémas à l'auto dans les années 70. Tout ça, ça peut être des petits cartons qu'on mettait dans les fenêtres de voiture, jusqu'à des grands panneaux sur le bord des autoroutes. La collection est sur une adresse assez compliquée. Je vais vous laisser aller sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1225 pour avoir le lien, parce qu'il est vraiment long. Ils ont déjà scanné plus de 4000 affiches déjà, et il y a présentement plus de 500 posters en ligne, donc ils en ont scanné 4000, mais ils les mettent au fur et à mesure et tranquillement. Donc, il y en a 500 en ligne et il y en a d'autres qui vont s'en venir plus tôt. Vous pouvez voir d'ailleurs un petit court-métrage, si on veut, d'une collection de plaques qui ont été utilisées pour imprimer des publicités de films au même lien sur assemblagerequis.com, et une collection, encore une fois, de 40 000 futures affiches de films vintage. Je trouve ça vraiment beau. Assemblagerequis.com pour le lien. Moi, je vous l'ai dit, j'allais parler de budget aussi, parce que c'est dans les calculs, considérant le fait que si vous déménagez, vous avez probablement à calculer beaucoup de choses vous aussi. Ça coûte cher. Vous vous posez peut-être la question, où est passé mon salaire aussi? J'ai compris dans les dernières années que de faire un budget, c'est quand même assez important. De s'y tenir serré aussi, c'est une des tâches les plus difficiles. Ouais, adulting. Exactement, adulte. Donc devenir une adulte. Mais j'ai découvert l'application Spendy, qui est une application totalement gratuite, sachez-le. Et c'est le fun parce que c'est l'application pour gérer son budget sans se prendre la tête. Et là, je vous explique c'est quoi. C'est une application qui est très, très user-friendly. Donc, vous allez avoir un graphisme qui va être coloré et qui va être totalement déculpabilisant, qui permet de lister, en fait, vos différentes dépenses. Donc, c'est personnalisable, bien évidemment. C'est instinctif aussi. Et ça vous permet d'établir un budget et de comprendre les limites de votre budget. Ouais. Je pense que c'est ça qu'on oublie souvent lorsqu'on établit un budget. C'est la limite de ce fameux budget-là. Et en découvrant où passe votre argent, eh bien, on apprend mieux à le gérer aussi. Et vous allez éviter le stress des fins de mois un petit peu trop serrées. Donc, c'est vraiment le fun. L'interface est colorée. L'interface est, comme je le disais, très user-friendly. Vous allez avoir des pourcentages. Vous allez avoir aussi des images qui expliquent sur quoi vous dépensez votre argent. Comment ça fonctionne? Bien, vous allez tout simplement commencer par créer un portefeuille dans lequel vous allez déterminer vos revenus. Par la suite, c'est super simple. Tout le long du mois, vous allez ajouter vos dépenses. Donc, alimentation, maison. À la main? Oui. Okay. Facture, bar, loyer, voiture, tous les frais qui correspondent, par exemple, à une couleur bien précise. Et vous pouvez également joindre une photo de géolocalisation. Là, par exemple, si vous oubliez que votre appartement vous coûte 500 $ par mois, bien, mettez une photo de votre appartement. Ouais. Vous comprenez? Et le truc, en plus, bien, c'est que vous allez avoir la possibilité d'établir un budget hebdomadaire, mensuel ou annuel, afin de savoir justement où vos dépenses se situent et ce que vous pouvez faire comme projet dans le futur. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment le fun, c'est vraiment génial et sans jamais juger non plus votre état financier, bien, l'application va vous indiquer le pourcentage atteint dans votre budget. Donc, par exemple, si vous êtes à 2 semaines seulement du mois et que vous avez déjà topé la moitié de votre budget, bien là, votre application va vous lancer un petit alerte. Ça va vous dire que la courbe évolutive devrait probablement atteindre sa fin dans pas très, très long. Donc, vous allez pouvoir suivre vous-même votre propre budget, ce qui se passe dans vos poches. Et comme je le disais, totalement gratuit sur Apple Store et Google Play. Spendy, S-P-E-N-D-E-E. C'est en plein ça. Voilà. Et moi, je te renchéris et je vais faire mon vieux monsieur qui se répète tout le temps. Là. Je parle tout le temps de ces applications-là. Mais Mint fait la même chose que ce que tu viens de dire, mais tout seul. T'as pas à l'entrer toi-même parce que ça regarde dans ton compte. Moi, c'est ça qui me gosse. Ah, mettons ça marque métro, ça va tout de suite déterminer que c'est une épicerie, fait que t'auras pas à l'écrire à la main. Tu trouves pas ça plus pratique que d'avoir à l'écrire à la main? Ben, je veux pas qu'il y ait accès à mon compte. Ah, c'est ça. Même si c'est encrypté, tout ça, ouais, je comprends. Tout est un petit peu... Mais c'est pas une question d'être paranoïaque. C'est une question que si je l'écris moi-même, c'est que je prends conscience que c'est ça qu'il y a dans mon compte. Ah, OK, je comprends. C'est mieux expliqué comme ça. Ouais. Merci. Puis pourquoi une application de budget voudrait avoir accès à mon compte? Ben, pour savoir tes dépenses. Ouais, mais je suis capable de les écrire. Ouais. Moi, c'est que je suis vraiment paresseux là. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça, ouais. Bref, les deux sont très bonnes, donc allez télécharger les deux puis essayez les dons. Hein? Ben Spendy oui. Spendy et Mint. Moi, pour terminer, c'est de la musique, en fait, que je vais vous faire entendre. Tu sais que la musique, ça peut être thérapeutique pour bien des gens. Ben, c'est la même chose pour les animaux, apparemment. OK. Mais il faut que la musique soit adaptée aux animaux, nous dit-on. Donc, en 2015, des scientifiques ont analysé la réponse des chats à la musique et ils ont mis au point la musique parfaite pour les chats. Hein? Ah, c'est fun, ça. Ils nous disent que dans la musique humaine, le rythme imite souvent nos propres rythmes cardiaques. C'est la même chose pour la musique pour les chats, parce que les chats utilisent des fréquences glissantes, qu'on appelle. La musique pour chats, donc, va avoir aussi des notes plus glissantes que notre musique. Les chansons pour chats ont été jouées à 47 chats domestiques. Les chercheurs ont analysé et comparé leur réaction face à deux grands classiques, donc Air on a G-String de Jean-Sébastien Bach et Élégie de Gabriel Fauré. Aucune réaction à ces deux œuvres-là, mais avec la musique pour chat, les félins se sont montrés intéressés, s'approchant de l'enceinte, donc du haut-parleur, et passant leur glande odoriférante, dessus pour en réclamer la propriété. Ils voulaient s'approprier la musique parce que ça les touchait. Pas pire. Donc, les résultats suggèrent de moyens novateurs et plus appropriés pour utiliser la musique comme enrichissement auditif chez les animaux. Et l'équipe travaille désormais à composer des mélodies pour d'autres espèces. Et justement, on va se quitter avec une pièce. On se quitte-tu, c'est ça? On avait fini. Ouais. On se quitte avec la pièce donc de musique pour les chats, Cosmos Air, Assemblage requis. C'est vraiment de la belle musique pour chats qu'on s'en va entendre là. C'est beau, hein? Attention. Et ça va commencer bientôt. Écoute, c'est super beau. C'est merveilleux. C'est très relaxant. Oui, c'est oui, comme oui. rien écouter du tout. Ben oui, c'est ça. C'est... Ah, voilà.

And she's gonna dream. Si je me rappelle bien, on parle d'impôts, hein? Eh bien, non, Mathieu, non, en fait, on va parler d'immobilier aujourd'hui. Ben oui, parce que je suis vraiment dans le vibe immobilier. Ouais. Je suis pas en tout dans le vibe impôts parce que je les ai pas commencé. C'est fait ça. Que c'est ça. Aujourd'hui, en fait, on parle de réussir en immobilier. Parce que vous avez peut-être la question, est-ce que je vends ma maison moi-même? Est-ce que je fais affaire avec quelqu'un qui veut vendre ma maison? Est-ce que j'achète une maison? Est-ce que je veux travailler en immobilier? Ce sont des questions quand même que je crois certaines personnes peuvent se poser, surtout si on est détenteur d'une maison quelconque ou d'un bloc, peu importe. Donc, pour réussir en immobilier, c'est quand même assez important de trouver des aubaines. Il faut savoir calculer aussi ses rendements et son pouvoir financier à 100% face à nos acquisitions. C'est sûr et certain, on veut que ça soit rentabilisateur. Donc, par-dessus tout, il faut savoir travailler sur soi. Parce qu'évidemment, si on n'est pas capable de calculer nos rendements, si on n'est pas capable de pouvoir établir un certain budget, c'est sûr et certain que si on décide de se lancer en immobilier, ça se peut qu'un mur tombe, tu sais. Donc, il y a des éléments sur lesquels il faut porter notre attention si on veut justement améliorer nos résultats, si on veut exploiter le plein potentiel de l'investisseur qui va sommeiller en nous. Va dormir. Donc, en fait, le premier point, ça serait tout simplement de voir notre raison. C'est quoi notre motif? Pourquoi est-ce qu'on achète? Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir un bloc appartement? Pourquoi est-ce qu'on veut investir en immobilier? Par la suite, il faut s'établir un plan d'action. Donc, la plus grande motivation suffit peut-être pas tout le temps. Il faut se mettre à l'œuvre pour atteindre nos objectifs. Donc, il faut que ce soit des objectifs qui soient bien définis, mais il faut mettre en place un plan d'action comme une entreprise personnelle. Mm-hmm. Par la suite, ça prend de la détermination. Pas le choix, l'immobilier, c'est pas facile. Donc, vous allez devoir faire preuve de persévérance. Vous allez avoir de nombreux achats, de nombreuses offres d'achat aussi à présenter. Donc, la plupart du temps, ça va être refusé par les vendeurs. Vous allez avoir de la détermination pour relancer le tout et s'assurer que vous allez closer le deal, dans le fond. C'est loin d'être difficile, c'est loin d'être facile aussi. Ça prend de l'organisation parce qu'on n'a pas nécessairement tous 168 heures dans une semaine, mais ça se peut que si vous vous lanciez dans le domaine de l'immobilier, le temps libre, ça se fait quand même assez rare. Donc, on va devoir organiser notre horaire. On va devoir justement peut-être mettre en boîte certains compartiments de notre vie, c'est-à-dire les amis, la vie sociale puis la vie de couple. Mettez pas tout ça dans la même boîte. Et par la suite, bien, pas le choix. Ça vous prend de la passion. Donc, c'est un ingrédient commun que les quatre autres ont. Si on veut qu'on réussisse, peu importe le domaine dans lequel on évolue, ça prend de la passion. Si vous croyez que vous avez la passion pour le domaine de l'immobilier, bien, pourquoi pas vous lancer là-dedans? Cool! Simple comme ça. Eh bien, oui. Merci, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Très courte chronique, mais quand même efficace de Tania Esgrolin. Oui, exactement. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça court? Ben parce qu'on a un invité qui s'en vient, un collaborateur régulier, Jimmy Thibodeau, qui est avec nous déjà pour nous donner un petit avant-goût de ce qui s'en vient après la pause. Oui, bien le bonjour. Alors, après la pause, vous allez avoir une chronique encore plus cérébrale que d'habitude sur le racisme. Oh boy! Oh que oui! Il est habillé en noir en plus. Bon. Bon, on reste là, d'accord? Un sondage de qui? Toi aujourd'hui. L'émission Assemblage requis avec Mathieu Plante. Et Tania Baudin. Oh oui, on a fait ça court avant la pause, Mathieu. Dis-moi oui, pourquoi. Oui, quand même. On va se reprendre. L'immobilier, moi, je pense que ça va être là-dedans pendant quelques semaines encore. Je pense que oui. Ben, c'est pour ça, c'est parce qu'on a Jimmy Thibodeau qui est avec nous pour sa chronique Gauche Herbe et Vue. Salut, Jimmy. Oui, bonjour. Bonjour. Toi qui es gars de la gauche, comme tu te dis toi-même. Oui, un gars de la gauche. Qui est capable de critiquer son bord. Qui est capable de critiquer tirer son bord. Tirer la couverte un peu. Oui, et puis cette semaine, je vais assez fort, en fait. Ah ouais? ça a l'air à ça. Je critique. Ben, j'irais pas, je vais dire, critiquer la notion même de racisme, là. Faut pas dire ça. Mais, par contre, il y a toujours le mais. Mais par contre, il y a des choses intéressantes au niveau de l'étude du racisme qui se font aujourd'hui. Donc, je vais pas vanter le racisme. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, même. Je vais être très, très antiraciste. Peut-être même plus antiraciste que des gens de gauche qui pensent être pas racistes. Des bien-pensants. Okay. Donc, on va se rendre là, jusque-là. Et puis, l'angle d'approche principal aujourd'hui, ça va vraiment être le racisme versus les travaux scientifiques versus la science. Okay. Parce que ce qui est intéressant, puis que les gens savent peut-être un peu moins, c'est que, bon, le racisme est vraiment comme rendu étudié vraiment empiriquement beaucoup dans les sciences sociales. C'est quelque chose de rendu vraiment populaire. Là, on fait le racisme, c'est quelque chose qui est vraiment très, très politisé, qu'on parle en politique, en société tous les jours, mais ça fait l'objet d'une étude scientifique de plus en plus rigoureuse et approfondie. Ça crée beaucoup de mouvements, là. C'est comme du racisme. Du racisme. Bon. Ouais, ben en fait... aussi, ben, note préalable, moi je suis pour l'étude scientifique du racisme. Oui. Je vais faire des critiques sur certaines choses, mais au fond, je vais rester pour l'étude scientifique du racisme pour plusieurs raisons. La première, par exemple, c'est que ça permet de prendre conscience de certains phénomènes racistes dont on ne se rend pas nécessairement compte. Par exemple, des exemples qui sont vraiment faciles à trouver, c'est dans le féminisme qui est un autre sujet, mais par exemple, les phénomènes du mansplaining ou du manspreading. Donc, mansplaining, c'est expliquer à une femme qui connaît très bien son affaire, des choses, ben en fait... Parce que t'es un homme, ouais. Tu ouais. sais, toi, tu sais. Ben exactement. Ouais. C'est expliqué sur un sujet... de façon condescendante. Où t'es encore moins compétent des fois, ou aussi compétent que la femme devant toi à qui tu expliques. C'est pas nécessairement tout le temps mauvais, là. Des fois, il y a des gens qui sont impulsifs puis qui le font quand même sans penser nécessairement. Et c'est pas nécessairement tout le temps juste les hommes qui font du mansplaining. Tu sais, le mot mansplaining est un petit peu déjà... ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça, il y a beaucoup derrière ça, l'idée que c'est surtout les hommes qui le font. C'est sûr. Donc, au niveau social puis général, il y a ça, mais au niveau individuel, il y a pas d'accusation à faire en particulier. Même chose pour le manspreading, là. Qui, encore une fois, n'est pas juste pour les hommes, le manspreading, les femmes peuvent aussi s'étendre les jambes en public et prendre toute la place. T'sais. Ben oui, c'est ça, évidemment. Mais tu sais, c'est tout le temps pour dénoter le fait qu'une tendance générale, exactement, en société, donc jamais accuser personne, ça j'avais déjà parlé de ça, puis à quel point c'est important, mais quand même, tu sais, on voit que c'est des choses qui sont inconscientes. Il y a des gens qui, des gars, mettons, qui sont pas sensibilisés au problème, puis qui font du mansplaining sans s'en rendre compte. Tu sais, s'ils sont pas sensibilisés à la chose, ils peuvent perpétuer des actes sexistes sans s'en rendre compte. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Puis pour ce qui est des ethnies, au niveau du racisme, il y a possibilité aussi de trucs inconscients, par exemple, au niveau de l'embauche, au niveau de l'évaluation des pairs, par exemple. C'est des biais qui sont très facilement... qui sont très facilement réalisables dans la société, là, de différentes manières. Donc, effectivement, étudier le racisme, puis le mesurer, ça devient assez intéressant pour vérifier tout ça. Puis, bon, ça permet de quantifier le phénomène, à quel point les gens sont racistes, à quel point on est raciste dans telle société versus d'autres. Et si on étudie des deux côtés, comme mettons, et là, je prends vraiment un exemple auquel je ne donnerai pas d'opinion là-dessus. Ouais. Mais tu sais, des fois, mettons, les employeurs vont dire, OK, une personne de tel pays ou de telle provenance pourrait être quelqu'un qui est tout le temps en retard, mettons, quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce qu'on peut étudier ça pour peut-être prouver que c'est vrai qu'ils sont tout le temps en retard ou qu'ils prennent pas ça au sérieux ou le contraire ou tu sais? Non, en fait, c'est vraiment tout ce qu'ils vont étudier, c'est vraiment si les gens, par exemple, on pense des choses comme ça, associent des ethnies, ouais, par rapport à des retards, des trucs comme ça. Pour ce qui est de savoir est-ce qu'on peut scientifiquement comme déterminer qu'il y a des gens qui sont plus en retard que d'autres. Mais dans certaines cultures, c'est clair qu'il y a des gens qui sont plus tolérants avec le retard, là. C'est ça. En Afrique, à certains pays d'Afrique, c'est un fait qu'à l'université, c'est pas si grave si tu arrives une demi-heure en retard ou une heure, là. Les gens, ça leur dérange pas, ils sont très relax. Donc, c'est pas tant un truc d'ethnie, mais plus un truc de culture, je pense. Ouais, donc, si t'es un Africain qui est si d'origine africaine puis t'es né au Québec, tu vas quand même rester... tu vas avoir la ponctualité comme très importante pour toi, donc c'est pas quelque chose qui est nécessairement inné, c'est ça, donc ouais. Oui, évidemment. Sinon, tout le contraire, ce serait essayer de démontrer des différences raciales, puis ça, c'est scientifiquement assez difficile. Je vais y revenir. Mais donc voilà. Puis aussi, ben, la science elle-même a beaucoup de biais racistes. On a eu beaucoup, beaucoup dans le passé. On pensait qu'il y avait des différences intellectuelles, cognitives, etc., entre les races, entre guillemets. Puis ça, c'est une idéologie scientifique vraiment très répandue. Puis on salue notre collègue de case horaire, je crois que son émission est commencée à ce moment-là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que ça permet à la science de prendre conscience de ses propres biais aussi, l'étude du racisme. Donc, c'est intéressant pour ça. Donc, voilà toutes les raisons qui font que je suis pour l'étude du scientifique du racisme. Cela dit, j'ai des réserves, beaucoup de réserves par rapport à ça. Mes premières préalables, je dirais, encore une fois, l'étude du racisme, c'est quelque chose qui est beaucoup fait dans les sciences humaines. Puis les sciences humaines, ce qui arrive, c'est que c'est quelque chose, c'est un domaine assez philosophique, n'est-ce pas? Mais c'est quand même assez embryonnaire, les sciences humaines. Il y a beaucoup de sciences humaines qui sont plus de la philosophie. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui sont plus de l'étude empirique comme des sciences naturelles. C'est pas très clair. La science humaine et les sciences humaines sont encore en train de se définir. Puis des fois, le sujet d'étude est difficile à tester. Par exemple, si moi, si je parle de l'inconscient, ben, quand c'était de la psychanalyse, jusqu'à très tard au 20e siècle, c'était surtout de la philosophie que tu faisais. Là. Quand tu parlais d'inconscient, tu faisais de la philosophie de l'esprit. Puis maintenant, on est capable de tester un peu, là, mais c'est pas encore complètement concret, mais on est capable d'avoir des indices qu'il existerait quelque chose comme un inconscient dans l'esprit humain avec les études neurologiques qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est rendu possible juste par la neurologie, mais avant, c'était pas possible, puis c'était difficilement testable, ce qui fait que les objets d'études deviennent de plus en plus précis en sciences humaines. Mais c'est encore difficile de savoir comment quantifier sur telle chose, puis comment vérifier si nos théories sont vraies ou fausses. Donc, la méthodologie des sciences humaines est encore... elle se construit encore. Donc, quand tu as des sociologues qui théorisent sur le racisme, il ne faut pas tout prendre pour du cash. Des fois, il y a beaucoup de philosophie sociale là-dedans qui est comme imbriquée, forcément. Donc, ça, c'est déjà une réserve. Donc, quand on veut déterminer si quelqu'un est raciste ou pas, tu sais, il y a un problème, un danger de subjectivité, je pense, intrinsèque à la démarche des sciences humaines aujourd'hui. Donc, tant que c'est pas réglé, on a cet enjeu-là. Puis aussi, ben, vu qu'il y a de la philosophie des fois qui s'imbrique dans les sciences humaines, souvent il y a les questions morales qui s'imbriquent là-dedans aussi. Moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'en science, il devrait y avoir la science puis les questions morales. La science... même si, par exemple, il y a des vérités qui sont pas cool à connaître, puis c'est autant mieux si ça serait moralement mieux si le monde était de telle manière, ben la science s'en fout. La science, elle étudie juste comment les choses sont. Les faits. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Si, par exemple, je vais prendre un exemple très cru. Tu sais, si on dit, si on veut pas que les animaux fassent de la nécrophilie, par exemple, c'est un exemple vraiment cru, je sais. OK, oui. J'ai pensé à ça d'un coup, mais c'était pas noté. C'est ça que t'as en tête, là, genre? C'est vraiment la première fois qu'il vient, c'est les animaux. Je m'excuse. Okay. Mais tu sais, si tu veux dire, voyez-vous, dans la nature, les animaux sont purs et tout, puis c'est moralement, tu sens que c'est important pour toi, mais je m'excuse, mais en science, dans le domaine animal, l'équivalent du viol chez les humains, mais c'est vraiment très différent parce que, ça a une composante psychologique traumatisante chez les humains qui n'a pas chez les animaux, mais le consentement, ça n'existe pas tant que ça chez les animaux, puis des fois, ça implique aussi des animaux qui sont moins vivants que d'autres. Moins vivants que d'autres. OK, à un degré de vivant jusqu'à mort. Jusqu'à pas vivant. Fait que c'est ça. T'as pas parlé de scatophilie, au moins. Au moins. Bon. Donc, voyez-vous, il y a une différence entre question morale puis question scientifique. Puis quand on parle de racisme, on a souvent tendance à prendre... on a souvent des idéologies de gauche, souvent, quand on est sociologue, surtout quand on est sociologue. Mm-hmm. Puis on se dit, voyez-vous, pour être raciste, il faut être de telle manière. Puis quand on n'est pas raciste, on est de telle manière. Puis des fois, je pense qu'il peut y avoir des position morale qui peut s'immiscer là-dedans, puis je pense que c'est problématique. Le racisme en tant que tel, je pense que c'est un fait, puis que ça existe. Oui. Mais par contre, il y a comme un filtre moral à nos lunettes un peu des fois qui peut jouer, puis qui peut nous influencer. Donc, dans les sciences humaines, la méthodologie, la rigueur est là, mais est encore à définir un petit peu. Puis bon, maintenant, avant d'aller dans les critiques en tant que telles que j'ai, je vais en donner aussi au fur et à mesure, mais les avancements qui se sont faits en sciences humaines sur la mesure du racisme jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Donc, une des choses qui m'a mis la puce à l'oreille en premier, c'est un test pour connaître si t'es raciste ou pas. Ça s'appelle... Si tu poses la question, sérieusement. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle le Symbolic Racism 2000 Scale. Oh, sur donc, 2000? L'échelle 2000 du racisme symbolique. Le racisme symbolique, c'est... en fait, ils vont... Parce que, bon, évidemment, tu peux pas demander à quelqu'un s'il est raciste ou pas. Mmh. Aujourd'hui, les gens vont dire « ben non, je suis pas raciste », mais ils vont avoir des comportements racistes souvent. C'est ce qu'on appelle le racisme moderne, d'ailleurs. Parce qu'avant, les gens avaient pas peur de dire qu'ils trouvaient des races supérieures à d'autres, par exemple. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc, il y a ce qu'on appelle le racisme moderne qui est plus subtil. Ce qu'on appelle aussi le « je suis pas raciste, mais ». C'est ça, exactement, ouais. Tout à fait. C'est exactement ça que je veux dire. Puis pour le mesurer, on utilise beaucoup le racisme symbolique, cette notion-là, qui une sorte de racisme qui se manifesterait dans certaines positions qu'on a. Donc c'est à ça qui sert le test. On vérifie tes positions politiques sur certains sujets, par exemple sur le droit des Noirs. Puis là, après, on vérifie si t'es raciste ou pas à partir de ça. Par exemple, est-ce que les Noirs, c'est de leur faute si ils sont plus pauvres que les Blancs aux États-Unis, par exemple? Ça, c'est une des questions. Ben, c'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près ça qui se dit dans le questionnaire. Si tu réponds que c'est de leur faute et qu'ils pourraient s'améliorer eux-mêmes, tu vas être plus raciste que si tu dis, tu vas être considéré comme plus raciste que si tu dis, par exemple, non, c'est pas de leur faute, c'est vraiment la société, le contexte qui fait que eux autres sont pauvres à cause de la société. Donc les points vont s'ajouter, ça va faire comme un quiz de magazine, tu vas avoir un. C'est ça, exactement. Donc tu vas être plus raciste si tu dis que c'est de leur faute, tu vas être moins raciste si tu dis que c'est pas de leur faute du tout. Puis des affaires comme ça qui ont complètement pas de bon sens sur certains points. Par exemple, si je dis il y a une des questions, c'était est-ce que vous croyez que dans le mouvement noir, pro-noir, il y a des. En fait, dans les tensions raciales, mm-hmm. Aux États-Unis, est-ce que vous pensez que il y a des. Comment dire ça? Est-ce qu'il y a du blâme un peu? Est-ce qu'il y a de l'hostilité des deux côtés? Est-ce que les Noirs ont, par exemple, une petite part d'hostilité qu'ils manifestent eux-mêmes? Donc, est-ce qu'ils exacerbent voilà, mm-hmm. les tensions un peu eux-mêmes, tu sais? Tu as le choix entre... pas du tout, ils font absolument rien, ils sont pas hostiles, c'est vraiment juste les Blancs. T'as un petit peu, eux autres ils font un petit peu, ils exercent un petit peu la chose. Tu peux dire, en fait, ils sont responsables de la plupart de l'hostilité, ou tu peux dire qu'ils sont responsables de toutes. C'est ça, ok. Ouais, fait que je dis ils sont responsables de toutes, mais sans surprise t'es considéré comme raciste. Mais j'imagine qu'à l'autre extrême aussi, ça a l'air de cacher quelque chose quand tu dis ils n'ont rien à se reprocher, ça fait ok, là t'en beurre épais un peu. Exactement, donc c'est ça qui est intéressant, si t'es dans le questionnaire, si tu dis ils sont responsables d'absolument rien puis ils n'ont aucune attitude négative. Là, tu es considéré comme pas raciste, mais tu dis, ils ont un petit peu de trucs. Ils sont responsables d'un petit peu de tension eux-mêmes. Tu vas être considéré comme plus raciste que la personne qui a dit qu'il n'y en a pas, qui ne sont pas hostiles du tout. C'est bizarre, quand même. Un petit peu, c'est un petit peu extrémiste, comme ouais, façon c'est de ça. Voir, non? C'est moi, je trouve que. Une personne qui est complètement blanc. Pas ouais. Problème, tu comprends? Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, ça ramène le problème que j'ai dit tantôt. Tu sais, c'est un point de vue moral qui s'immiscent dans le questionnaire, puis il y a plein d'autres raisons qui font en sorte que tu peux dire qu'ils sont un petit peu responsables de certaines choses. Pas nécessairement parce que t'es raciste, il y a d'autres explications, puis c'est peut-être aussi une position morale de gauche qui s'immisce dans le débat, puis ça permet pas de mesurer adéquatement si t'es raciste ou pas. Donc, il y a un petit peu une logique de « t'es avec nous autres ou contre nous autres » dans ces genres de questionnaires-là. Donc, moi, je suis... vraiment très sceptique par rapport à ce questionnaire-là. Ouais. Il y a eu certaines critiques qui se sont faites dans la littérature scientifique. Par exemple, tu as une étude qui a dit c'est vrai, il y a peut-être des explications alternatives à certaines positions. Par exemple, tu peux, mettons, si tu es contre le fait que les Noirs aient des quotas d'embauche, il y a des quotas d'embauche pour les Noirs aux États-Unis, si tu es contre ça, peut-être qu'il y a d'autres explications que le fait que tu es raciste. Parce que dans le questionnaire, ils prennent ça pour acquis que tu es raciste, c'est contre la discrimination positive. Ouais. Côté soit réaliste ou raisonnable, comme on a déjà discuté dans une précédente chronique. C'est ça. Tu peux être contre la discrimination positive pour des raisons qui sont pas racistes, puis arrêter de diaboliser tout le monde. C'est ça. Ils ont dit dans la critique de l'étude, dans la critique qui est dans l'étude, ça se peut qu'il y ait des explications alternatives, mais ce qu'on peut faire pour vérifier si c'est vraiment le racisme qui détermine si... on est motivé par cette politique-là parce qu'on peut être, conservateur de droite ou conservateur puis même libertarien un peu, puis être pour une intervention minimale de l'État, par exemple. Puis c'est pour ça qu'on est contre certaines mesures protectionnistes pour les Noirs, par exemple. C'est pas parce qu'on est raciste, c'est parce qu'on est de droite. T'sais, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'on fait pour jauger ça? Qu'est-ce qu'on fait pour contrôler ces explications alternatives-là? Une étude, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le test, puis elle a remplacé au lieu de dire que c'est les Noirs qui sont ciblés dans le questionnaire, que c'est on parle des, au lieu de parler des Noirs, on parle des femmes. Ah, okay. Donc, on refait le questionnaire aux mêmes personnes. Si les personnes ont des réponses différentes selon que c'est des femmes, que donc on parle de femmes ou on parle de minorités raciales, donc dont les Noirs, si dans le fond les gens sont plus contre certaines mesures de discrimination positive, par exemple pour les Noirs, puis pour des mesures de discrimination positive pour les femmes, alors là c'est parce qu'ils sont racistes. Ben oui, c'est ça. Évidemment, tu sais. Mais en fait, là aussi c'est problématique parce que dans le fond, c'est pas clair que, mettons, t'es contre la discrimination positive pour les Noirs, par exemple. C'est pas parce que t'es contre la discrimination positive pour les Noirs, mais pour la discrimination positive pour les femmes, que t'es raciste. Il y a peut-être d'autres motivations encore aussi. Puis là, c'est peut-être difficile à imaginer, mais un exemple très concret de ça, imaginez les quotas en politique. Il y a beaucoup de militantisme pour la parité homme-femme ou pour des quotas de femmes en politique. Puis là, Québec solidaire est dans le lead là-dessus, dans sa structure politique, par exemple, c'est complètement paritaire d'habitude. Mais par contre, l'idée, c'est que si on fait les quotas pour les femmes, est-ce qu'on fait des quotas pour les minorités raciales, après les minorités religieuses, après les minorités sexuelles? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, peut-être que il y a des gens qui préfèrent mettre la ligne aux quotas pour les genres différents. Mmh. Mmh. Et puis après, pour les autres quotas, on s'occupe pas de ça. C'est qui va être élu, qui va être important. Mais ça veut dire quand même que tu considères plus important le genre d'une personne que sa race. Ouais, mais dans le sens où, tu sais, les gens, c'est quand même difficile aussi en politique. Les gens, les Noirs font pas 50% de la population, non, c'est ça. Tandis que les femmes le font 50% de la population. Donc, c'est très facile d'avoir des quotas. Ouais. Si tu fais des quotas pour les minorités raciales, tu vas faire quel genre de quotas? Et puis, si t'en fais, ça va peut-être être difficile aussi d'avoir tes quotas aussi. Une donc, demi-personne. Ouais. Ben, c'est ça qui arrive. Donc, c'est très difficile. Et donc, pis, mais t'es pas nécessairement raciste. Puis voyez où ça se débosse tout ça. Ouais. Mais t'es pas nécessairement raciste. Puis l'étude que je viens de mentionner, ben elle prend ça pour acquis un petit peu. Puis ça marche pas. C'est difficile à évaluer ces choses-là. Donc il faut vraiment faire attention. Puis il y a une autre étude que je vais vous redonner encore. Une autre, celle-là en fait dénombre un peu les problèmes liés à l'étude du phénomène. Montre à quel point c'est problématique. Plusieurs problèmes généraux qui se dressent devant nous quand on veut essayer de mesurer le racisme. Premièrement, si on fait des discours rapportés, si on se base sur des témoignages ou des sondages, on n'aura jamais de bonnes réponses à cause de ce qu'on appelle le racisme moderne, évidemment. Personne ne va dire qu'il est raciste. Quoique dans The Guardian, il y a eu un article qui a relaté un sondage récemment au Royaume-Uni, puis 30-quelques pourcents se disent ouvertement discriminatoires parfois envers certaines minorités ethniques. Donc, voyez-vous, il y a quand même des gens qui sont ouvertement pour ça. Et le justifie d'une façon ou d'une autre, que je ne sais pas trop comment. Ouais, c'est ça. Mais la plupart, la majorité disent non. Mais on s'entend que ce n'est pas juste 30-quelques pourcents des gens qui ont des comportements racistes. Mm-hmm. C'est plus que ça. Donc, les discours rapportés, ce n'est pas bon. Puis le racisme est souvent non explicite, pas déclaré ouvertement, comme je viens de dire. Puis des fois, mettons une victime de racisme qui se fait refuser à l'embauche, par exemple, des fois, elle ne se rend pas compte nécessairement de ce qui se passe. Parce qu'on a tendance à voir le bien chez les gens et on pense qu'ils t'ont pas choisi juste parce que t'es pas le meilleur. Ben exactement. Donc, puis c'est ça, la personne pense juste qu'on n'est pas la meilleure personne qualifiée pour ça, mais en fait, on est juste victime de biais racistes, puis on le sait pas. Puis bon, il y a plein d'autres problèmes dans différentes autres observations. Si, mettons, on veut dire, ben voyez-vous, les Noirs sont plus pauvres dans cette société-là, puis les Blancs sont plus riches dans cette société-là, donc nécessairement, cette société est raciste. Pas nécessairement, parce que des fois, il y a d'autres facteurs qui influencent les disparités de richesse dans les sociétés entre les ethnies. Donc, c'est très difficile. Quels paramètres nous permettent de dire que quelqu'un d'une société est raciste ou un individu est raciste? C'est hyper difficile, hyper complexe. Je pense qu'il n'y a pas encore de variable clé encore qui est trouvée. Donc, c'est ça un gros problème avec l'étude du racisme. Qu'est-ce qu'on mesure exactement? C'est pas clair. C'est encore la question complètement ouverte, je pense. Donc, c'est pour ça que les gens se tournent vers les mesures indirectes. Par exemple, vont dire « Ouais, ben si t'es conservateur sur la discrimination positive, ben nécessairement t'es raciste. » Mais ça amène plein tous les problèmes qu'on vient de mentionner. Ouais, c'est de la corrélation qui n'est pas nécessairement ben, c'est ça. Appropriée. Ouais, puis il y a des gens qui disent, ben, pour aller encore plus loin, donc je vais parler de racisme moderne, j'ai dit qu'il y a des mesures indirectes, mais encore plus aussi, d'autres termes qui reviennent souvent dans la littérature scientifique, il y a le overt racisme, racism, ou le covert racism, dans le fond. Affiché ou pas, ouais, nécessairement. C'est le racisme ouvert ou le racisme couvert, ouais, en français, ça serait comme ça. Un exemple de racisme couvert, ça serait le color blindness, qu'on dit en anglais. Oui. Donc, l'aveuglement par rapport aux couleurs. Je vois pas ça, moi, les couleurs. Non, ben, non, c'est ça. C'est-à-dire, ouais. C'est par rapport à la discrimination positive. Les gens qui disent, ben moi, je dis qu'il faut pas considérer les races ou les ethnies, parce que race, ça, c'est difficile comme terme. On va y revenir. Mais... la color blindness, l'aveuglement par rapport aux couleurs, c'est de dire, ben moi, je veux pas qu'on considère les races ou les ethnies, c'est pas bon, puis je veux que tout le monde soit considéré égal. Ça peut sembler noble, mais pour certaines personnes, c'est de dire, ben en fait, le contexte social favorise certaines personnes, dont par exemple les blancs, puis le contexte social défavorise certaines personnes, dont les noirs par exemple. Puis si tu veux considérer tout le monde égal, sans considérer leur genre ou leur ethnie, etc., ben tu favorises sans le savoir les blancs, donc t'es raciste. C'est une des critiques qui est revenue chez les sociologues. Puis bon, ça c'est une autre... Sans surprise, je suis un peu contre cette idée-là, parce qu'on peut être contre... on peut être colorblind, si on veut, donc aveugle par rapport aux couleurs pour d'autres raisons que le racisme. Puis on peut vouloir lutter contre le contexte social qui favorise le racisme de d'autres façons. Donc voilà, ça se règle d'autres manières. Donc t'es pas nécessairement raciste à cause de ça. Donc... dans les développements, c'est ça mes critiques un petit peu. Maintenant, les critiques générales, ça va être assez rapide, mais quand même super intéressant. Des fois, je viens de dire que la méthodologie n'est pas assez efficace, puis c'est difficile de trouver vraiment qu'est-ce qu'on mesure. Mais on dirait aussi un petit peu, c'est un petit peu des fois un procès d'intention carrément, ce qui se passe dans ces études-là. Puis, sans surprise, là, des fois, les conservateurs sont considérés comme racistes, mais tu peux être conservateur pour d'autres manières, donc pour d'autres raisons. Donc, c'est pas tout le temps clair. Donc, soyez pas... Donc, faut pas trop être, borné à ce niveau-là. Prenez l'exemple aussi de l'intelligence artificielle. Il y a des logiciels d'intelligence artificielle qui ont été créés, entre autres, pour du chatting dans les réseaux sociaux. Puis des intelligences artificielles qui ont été faites pour aider les policiers dans leurs opérations policières. Puis dans ces deux exemples-là, les intelligences artificielles ont fini par être racistes avec le temps. Donc il y avait un compte, je pense, Twitter d'intelligence artificielle, qui a fini par être raciste parce qu'il prenait en compte les commentaires des gens et tout. Mais est-ce que l'intelligence artificielle est raciste parce qu'elle a un comportement raciste? Je pense pas. L'intelligence artificielle ne peut pas être raciste en tant que telle. C'est les autres qui ont un comportement raciste qui influence l'intelligence artificielle, ben, parce que c'est ça le but. D'où l'idée qu'il y a un procès d'attention envers certaines personnes. Oui. Donc, c'est ça. L'intelligence artificielle, c'est un exemple extrême, mais c'est pour dire que, ben, voyez-vous, il y a des choses qui peuvent être considérées comme néfastes pour les minorités ethniques, mais t'es pas nécessairement raciste pour autant. Même chose pour opérations policières. Les intelligences artificielles avaient calculé qu'il y avait plus de crimes dans certains quartiers défavorisés où il y a plus d'ethnies. Donc, c'est pas nécessairement raciste. Oui, il faut, dans la vraie vie, quand t'es policier, il faut que tu aies une tête sur les épaules puis que tu fasses pas du profilage racial, mais les intelligences artificielles ont fini par le faire, mais pour des raisons statistiques. Au moins, ils n'ont pas de gun dans leurs mains, ces intelligences artificielles. Ben, au moins, mais tu sais, c'est pas des raisons racistes, ça, la statistique. C'est des statistiques. Il ne faut pas se baser juste là-dessus, donc il ne faut pas faire de profilage racial, certes, mais l'intelligence artificielle en tant que telle n'est pas raciste. Donc, il faut arrêter les procès d'intention aussi par rapport à ça. Puis bon, pour des trucs, tu sais, il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a le racisme moderne, donc à couvert. Donc des fois, c'est des mécanismes inconscients. Donc on est raciste, mais inconsciemment. Ça amène un paquet de problèmes. D'abord, l'inconscient, comme j'ai dit, c'est encore un truc à définir puis à étudier précisément. On a juste des petits hints de ça dans la neurologie, de qu'est-ce que ça pourrait être exactement, mais c'est pas encore clair. Donc dire que quelqu'un est raciste inconsciemment, qu'est-ce que ça veut dire exactement, on le sait pas encore. Donc si on veut vraiment de manière rigoureuse parler de racisme, du racisme inconscient, c'est un peu bizarre. D'autant plus que si t'es genre explicitement contre le racisme, mais t'es comme raciste inconsciemment, c'est comme t'es pour le racisme mais contre le racisme en même temps. Genre, t'es où là-dedans? Mettons si j'ai des comportements racistes sans le savoir, Là, on dirait que je suis inconsciemment raciste, mais je suis comme explicitement et consciemment anti-raciste. Donc, est-ce que dans le fond, je suis raciste malgré moi? Est-ce que je peux... Raciste sans savoir. C'est ouais, ça, mais c'est comme... C'est pas clair, puis c'est qui est raciste là-dedans? Est-ce que c'est moi qui est raciste? Pourtant, je suis consciemment anti-raciste. Donc, voyez-vous, c'est difficile. Ou c'est toi qui me traites de raciste qui est raciste? Ouais, voilà, une des critiques possibles. Une autre critique... possible, l'avant-dernière en fait, j'en ai deux autres. Rapidement, ouais, il me reste combien de temps en fait? Vraiment pas beaucoup de temps, on a une émission après une sorte. Peut-être un petit 2-3 minutes. 2-3 minutes, rectitude politique. Dans le fond, là, j'ai déjà dit, la morale qui s'est mise dans les sciences humaines amène une certaine rectitude politique. Mais le point le plus important dans les critiques que je viens de dire, c'est le racisme. Est-ce que c'est un terme ambigu? Oh. Le English Dictionary, le Oxford English Dictionary dit que le racisme, c'est la théorie qui distingue des caractéristiques et des habiletés humaines déterminées par la race. Mais aujourd'hui, la race, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est l'origine géographique, l'origine familiale, la couleur de peau, l'ethnicité, la culture? C'est quoi exactement? On ne le sait plus. C'est très, très flou, ça, ce concept-là. Ouais. Il y a même des gens qui, quand ils sont islamophobes, on les considère comme des racistes. Ouais. Mais c'est la religion, ça. C'est pas la... Ouais, c'est ça. Ouais. Puis le racisme en tant que comportement hostile et discriminatoire, c'est quelque chose de complètement nouveau. Avant, le racisme, c'était plutôt théorique. Donc, encore une fois, c'est des d'autres affaires qui sont différentes. Puis aussi, pour être raciste, des fois, il faut des rapports de force. Il faut être dominant versus dominé pour être raciste. Donc, une autre distinction. Donc, il faut absolument être blanc contre une minorité ethnique, par exemple, pour être raciste. L'inverse, c'est pas vrai. Pourquoi? C'est un peu difficile. Donc, et dans les faits, l'humanité se divise pas en race. Génétiquement, ça n'a pas de sens. En Afrique, par exemple, d'un pays à l'autre, il y a plus de diversité génétique que, par exemple, entre moi, qui est d'origine française, que, par exemple, un slave de l'Ukraine. Beaucoup plus de différences génétiques entre deux pays africains, mettons, Kenya versus Afrique du Sud, mettons. On sait n'importe quoi, là. C'est pas probablement, nécessairement le cas, mais... Pas nécessairement scientifiquement exact, mais c'est pas mal ça. Donc, il y a énormément plus de diversité génétique en Afrique. Donc, génétiquement, puis pourtant, les Africains ont repris souvent dans la même race, entre guillemets. Tout à fait d'accord. Ouais. Donc, donc, ça n'a aucun sens d'un point de vue purement scientifique. Et je me rends compte que je l'ai fait tout le temps, ça, de demander on mange quoi en Afrique? Ouais, ben, comme 1000 places là-dedans. Mais c'est ça, c'est vraiment pas clair. Donc, qu'est-ce qu'on entend par racisme exactement? Puis, est-ce que dans le fond, c'est raciste un peu de parler de racisme? Parce que. C'est ça, 2018, hein? C'est raciste d'être raciste. Parce que, imaginez-le, tu sais, si on dit, par exemple, qu'il faut absolument considérer le racisme, il faut absolument considérer les gens selon leur couleur de peau pour l'embauche, tout ça. Mais dans le fond, là, si le concept de race, ça n'a aucun sens scientifiquement, est-ce que tu promeus une vision racisante de la société? Oui. Donc, moi, je dis que oui. Donc, y a des sociologues qui disent que le concept de race, c'est un construit social. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le concept de racisme maintenant? Qu'est-ce qu'on distingue? Comment on fait pour être contre les gens qui sont racistes, être contre les comportements racistes? C'est pas clair. Et ce qui est plate aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société où quand on critique le concept de racisme, par exemple, ben, en tout cas dans le milieu scientifique, ben, c'est parce que t'es raciste. Donc, soit t'es pour cette notion-là, soit t'es contre, puis t'es raciste à ce moment-là. Mm-hmm. Puis, ça amène un problème scientifique. Karl Popper, un philosophe scientifique, disait qu'une théorie scientifique, pour qu'elle soit rigoureuse, doit pouvoir être falsifiable, donc vérifiable empiriquement. Ah, okay. Puis ça, c'est une théorie super intéressante. Puis avec des trucs comme ça, c'est pas falsifiable. Si t'es contre les théories racistes en sociologie, c'est comme si tu pouvais pas le falsifier, parce que si t'es contre, c'est parce que t'es raciste. Mm-hmm. Donc... vraiment, il y a un problème de rigueur scientifique. Comment on fait pour tester vraiment, critiquer ces théories sur du racisme? Donc, c'est pas clair, puis il manque un petit peu de rigueur scientifique. Donc, étudier le racisme en science, oui, mais attention, il y a un paquet de problèmes. Puis le racisme, c'est vraiment pas clair c'est quoi. Donc, faites attention à tout ça. Donc, étudiez le racisme prudemment, s'il vous plaît, et ne prenez pas trop de choses pour acquises. Très bien dit. Voilà. Hey, Colin, hein, c'est bien ça, t'es parfaitement dans les temps. C'est dommage d'être aussi restreint dans le temps aujourd'hui, mais que voulez-vous, hein? Des problèmes de temps, normal. Ça arrive. Hein? Mm-hmm. On te demandera même pas c'est quoi, c'est pas de nos affaires. merci, Jimmy Thibodeau. On se retrouve la semaine prochaine. C'est toujours les mercredis matin. Habituellement, c'est vers les 9h. Mm-hmm. Voilà. Merci. Nous, on se quitte là-dessus, en fait, parce qu'on a une émission juste après nous. Oui. C'est vrai. Mais on remercie quand même nos chroniqueurs d'aujourd'hui. Merci à Marc-Olivier Dumas pour Sport et Filoché. Merci à Dominique Notmavungbu pour Voix d'Afrique. Merci à Jimmy Thibodeau. Évidemment, pour sa chronique qui vient tout juste de faire Gaucher à Bévue. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plan. Demain, l'émission, mercredi, Sébastien Guertin va être là à 7h30 pour sa chronique du bulletin Guertin. C'est pas mal le seul chroniqueur qu'on a demain. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, manquez pas, c'est Full Sex qui s'en vient dans quelques instants. Ensuite, la rediffusion de Rock de Neurone. Ensuite de ça, on a en direct C'est dans ta face. Ensuite, on saute à 19h pour réanimation avec du métal et de l'horreur. Et à 21h, c'est Matière Noire avec du rock progressif. Et aujourd'hui, à la place de se quitter avec une chanson, je me suis dit, on va se quitter avec l'excellent sketch de la série Like Moi sur Télé-Québec, ben sur oui. le racisme. Tout le monde l'a aimé, ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont pas vu, ben vous allez l'entendre à la place parce c'est que tu passes pas grand chose de visuel là-dedans. Hein? Et on se retrouve demain dès 7h. Bonne journée! Bon café tout le monde! Bye! Avez-vous rencontré le nouveau chum de Sophie? Pas encore. Mais comment? Il est bien correct. C'est un Haïtien? Ah ouais? Mmh. C'est cool. Ah, c'est cool. Mmh. Vraiment? Moi, je suis pas raciste. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, t'es pas raciste, mais... Mais quoi? Ben, t'as dit je suis pas raciste. Je sais, je suis pas raciste. On le sait que t'es pas raciste, mais quand une personne de race blanche dit « je suis pas raciste », c'est pour pouvoir dire quelque chose de raciste. Mmh. T'as juste à dire « mais après, je suis pas raciste », puis ensuite, tu peux être super raciste. Mmh, comme par exemple, moi, je suis pas raciste, mais j'haïs les Italiens. Mmh. J'haïs les Italiens. Mais pas raciste. Parce qu'avant de dire quelque chose de raciste, elle a dit « je suis pas raciste ». Donc, ça s'annule. Tu peux pas être raciste si tu viens de dire que t'es pas raciste. Tout est dans le « mais ». Tu sais, tu dis « je suis pas raciste, mais », puis après ça, lâche-toi lousse. Mais pourquoi t'as eu les Italiens? Mais parce qu'ils mangent la bouche ouverte. Les Italiens mangent pas la bouche ouverte. Oui. Je peux l'affirmer sans être raciste parce que je connais un Italien qui mange la bouche ouverte. Et ça, ça me permet d'affirmer que tous les Italiens mangent la bouche ouverte. Mais c'est pas raciste parce qu'elle a dit qu'elle était pas raciste. Puis en plus, elle connaît un Italien. Un Italien qui mange la bouche ouverte. J'ai une expertise sur le peuple italien. Une expertise raciste? Non! Je fais une généralisation par rapport à une certaine nationalité basée sur une observation anecdotique en prenant la peine de dire que je suis pas raciste. C'est pas du racisme, ça, c'est de l'anthropologie. Mais c'est quoi le racisme, d'abord? Le jugement. Moi, je juge pas. Je constate. Elle constate que les Italiens mangent la bouche ouverte. Puis elle le partage avec nous pour nous avertir. Si tu veux pas manger avec du monde qui a la bouche ouverte, tiens-toi loin des Italiens. Mais moi, j'adore les Italiens. OK, ça, c'est raciste. C'est très condescendant pour les Italiens. Tu peux pas juste dire comme ça que t'adores les Italiens. Faut les connaître, faut les découvrir pour les aimer. Moi, je le sais qu'ils mangent la bouche ouverte. Tu peux donc les haïr sans porter de jugement. OK, puis si je dis je suis pas raciste, mais j'adore les Italiens. Trop tard. Maintenant, on le sait que t'es raciste. Et on est très mal à l'aise. Mais je suis